France, mercredi, c'est le 12 octobre. Comment ça va la famille? Tout le monde est réveillé, on est là, on est en pleine forme. Grosse matinée qui arrive là ce matin. Dans moins de deux minutes, nous allons lancer... J'ai envie de dire l'opération que tout le monde attend. La sortie, c'est demain, oui. Du casque VR de la nouvelle PlayStation. Réalité virtuelle. Vous êtes à l'intérieur des jeux. C'est un truc de ouf. On vous offre le pack depuis lundi. Il sort demain. Et aujourd'hui, en avant-première, on va le faire gagner sur les réseaux sociaux. Je lance le hashtag tout de suite. C'est hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. D'accord? Et à 9h15, nous choisirons soit un tweet, soit un message sur Instagram, soit un message sur Facebook avec ce hashtag. On offrira le pack PlayStation d'une valeur de 1210 € parce qu'il y a la PlayStation 4, le casque, la caméra, les manettes spéciales et 11 jeux. Yes. On mettra Elliot et Christina dans un train. Et oui. Où que vous soyez en France ou en Belgique, ils viendront le livrer chez vous dans la journée. Exactement. Vous avez dit que c'était vous, ça ou pas? Oui, vous étiez au courant. Oui, on s'est préparé. Et alors, les gens vont dire, ah oui, ok, donc ça va être en région parisienne, ah, etc. Bah les amis, vous êtes à Narbonne, vous êtes à Liège, vous êtes n'importe où, on s'en fout, ça peut partir chez vous. On arrive avec Pitbull et Florida. Oh, yo, yo. Bon, ça va les copains, parce que je disais la famille en pleine forme, vous m'avez pas répondu. Bah oui, ça va. Bah ouais, bien, carrément. Très bien. Oh. Un petit Sound of Legend, bah c'est bon ça, on va pas se battre. Attends. Eh oh, tu le penses sur un autre ton, ça va, ça va. On est réveillé, on dit qu'on est réveillé, c'est qu'on est réveillé, point barre. T'es en pleine forme, t'es heureux, bah tu dis t'es heureux, t'es content, tu dis t'es content. Bah, putain, je te le dis, je suis content. Et bah voilà, bah tu le dis. Super content, ça va. Et si vous pouvez parler moins fort, parce que moi aussi je suis super content, j'ai bien envie d'être content tout seul. Et bah tu le dis si t'es content. Ah, ça va là, on passe une super journée. Voilà. Allez, on arrive chez vous après les news. On Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu ce mercredi, c'est le 12 octobre. L'info lors deux minutes avec Poula. Et bonjour Bruno. Maxime Poulaouek. Bonjour mon pote. On commence par la météo traditionnellement. Un ciel qui va rester plutôt clair sur la moitié nord. En revanche au sud, les nuages prendront progressivement le dessus. La pluie fera son retour en soirée. Puis attention, à partir de la nuit prochaine jusqu'à vendredi, il y aura de fortes précipitations et des orages sur le pourtour méditerranéen. Les températures ce matin sont comprises entre 0 et 5 degrés jusqu'à 10 vers le sud. Dans l'après-midi, comptez seulement 11 à Lille, 13 à Cherbourg, 14 à Paris et Aurillac, 15 à Angers et Lyon, 17 à Tarbes, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. Après l'attaque de policiers dans l'Essonne, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé hier plusieurs mesures pour assurer la sécurité des forces de l'ordre dans les zones sensibles. Les voitures de police vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. Les uniformes vont être rendus résistants au feu. Vous ne serez bientôt plus protégés. L'Assemblée nationale doit voter aujourd'hui un texte obligeant les entreprises à donner le nom des salariés flashés au volant. Le gouvernement souhaite en finir avec la logique du conducteur fantôme. Chaque année, 2 millions de points devraient être retirés, mais ne le sont pas. La fête des Lumières à Lyon aura bien lieu. L'événement avait été annulé l'an passé en raison des attentats de Paris. Cette année, elle se déroulera du 8 au 10 décembre, mais dans un format réduit. La fête des Lumières restera sur la presqu'île et ne s'étendra pas aux 9 arrondissements de la ville. Le spectacle de la colline de Fourvière est maintenu. C'est terminé pour le Galaxy Note 7. Samsung a décidé hier de stopper la production de son appareil en cause des batteries qui prennent feu. Et puis en rugby, c'est l'heure des explications. 3 joueurs du Racing 92 sont convoqués aujourd'hui devant la commission de lutte contre le dopage de la Fédération française. Rocosoco, Carter et Imhoff devront expliquer pourquoi des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans leur urine le soir de la finale du Top 14. 6h03, c'est parti pour Bruno dans la radio sur Fun. Bon réveil. Fun Radio. 6h03, c'est Fun Radio que vous écoutez. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 12 octobre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la première radio dance lord de France. Petite demi-heure sympa là qu'on vous prévoit. Un petit blue. Sound of Legend. Your Radio Ocean, c'est Mike Perry. Et on attaque l'émission dans quelques secondes avec Pitbull, Florida, Green Light. Oh. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là comme chaque matin. Au taquet, il y a Christina. Bonjour à tous. Ça va bien, passé une bonne soirée? Ah oui, une bonne nuit, je suis en pleine forme là aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait hier? Ah, j'étais toute seule hier parce que bon, c'est une fête juive, d'ailleurs Yom Kippour à tous. Ah, donc, c'est le grand pardon. Exactement. Ça, donc, c'est bien, c'est ça qui est bien dans cette religion. Sympa, hein. Tu peux être un petit enfoiré avec tout le monde et puis le jour du Kippour tu dis ouais bon c'est vrai j'ai pas fait exprès. Ah c'est vrai? Ouais. Genre imagine un mec je sais pas il commet un meurtre parce qu'il est énervé, il tue tout le monde dans son village et s'il y a Kippour le lendemain il peut dire ouais je suis désolé et donc du coup pas le temps de l'emmener en prison, on lui dit ok t'es... Exactement. Ouais, excusez. Ah génial. Je suis pas sûre que ça fonctionne quand même. Ah bon. Mais donc il était pas là hier soir et j'étais toute seule avec ma fille. Je mangeais des spaghettis, j'étais bien, voilà. Wow. Ouais, c'est pas mal les soirées du coup. Quand il est pas là, tu te lâches. On se fait des spaghettis, on se refuse de rien. Trop cool. Ça va mâcher. Moi ça va. Vous avez rien remarqué sur moi ce matin? T'as un nouveau pull? Non. Oh, non. T'as rasé la barbe? Non. J'ai vraiment quelque chose de fou. Il a une nouvelle dent. Ouais. Ah, j'ai une dent en plastique. Eh ouais les amis. Mais non, comment ça? Parce que je me suis fait dévitaliser la dent. Ouais. Normalement après t'attends un peu et puis il te pose une couronne et tout. Ouais. Et là, ma dent était tellement pourrie que quand ils l'ont dévitalisé, le mec il a dit bon, je vais être obligé parce que là j'ai fait un trou donc je vais mettre une dent en plastique. Et j'ai vraiment une dent en plastique. Genre, c'est si magnifique. Je me mets sous une flamme, elles font. Magnifique. Bon, après, il y a pas peu de chance que je me mette. Tu perds rarement les dents sous une flamme, on va pas se mentir. Excusez-moi si ma vie est pourrie, je mange pas des spaghettis tous les jours. Voilà, je voulais juste raconter un truc. Elliot est là ce matin. Ça va, moi j'ai offert des étagères à ma copine pour son anniversaire. Alors. Waouh, les cadeaux de rêve. Non mais des belles, genre on les a posées hier. Wow. J'embrasse mes voisins vu que j'ai fait de la perceuse à 20h, mais j'ai réussi, j'ai mis mes chevilles, ma vis. Vivement Noël que tu lui offres du parquet flottant, je crois. C'est déjà fait, c'était il y a 2 ans. Les amis, vous arrivez peut-être pour la première fois ce matin. Vous arrivez dans la famille Bruno dans la radio, c'est le show business. Des spaghettis, une dent en plastique, des étagères. Ne cherchez pas. Vous ne trouverez ça nulle part. Et je m'y engage, nulle part ailleurs. Et Bruno, toi qui es bricoleur, regarde, elles sont belles. On peut mettre là sur Facebook. Wow, magnifique. C'est des étagères en bois, elles m'ont coûté la peau du cul. 60 euros l'étagère. Je sais pas si les gens veulent les voir sur Facebook. Oh. C'est l'auditeur du jour, les amis. Et l'émission sera la sienne jusqu'à 9h15. Il s'appelle Nicolas, il a 25 ans, il est à Rouillac. C'est la Charente de mémoire. Applaudissements pour Nicolas. Bravo. Salut. Bonjour Nicolas. Salut Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Comment ça va mon Nico? Très bien, impeccable. Tu fais quoi du côté de Rouillac dans la vie? Je suis conducteur d'engins, notamment de l'agricole. Voilà. D'accord, très bien. De la grosse moissonneuse batteuse. Oui, comme notre fermier américain. Oui, Teddy. Ah, ouais. Ah, peut-être qu'il passera ce matin. Tu sais, on peut pas le réveiller ou, là, avec le décalage horaire, il doit être minuit, vers chez lui. Ouais, mais ça. Il passe souvent la moissonneuse batteuse la nuit, c'est Teddy. D'ailleurs, il fait que voilà. Ça, je crois. Il est tranquille la nuit, ça le fait pas chier. Nico, c'est toi l'auditeur du jour jusqu'à 9h15. Tu vas faire ce que tu veux dans cette émission. Tu veux intervenir, tu peux le faire. On va te donner la ligne directe. Et puis surtout, tu peux attaquer l'émission en posant une question d'ordre privé, si tu le souhaites, à n'importe quel membre de l'équipe. Voilà, donc justement la question que j'avais c'était justement pour toi Bruno. Donc depuis toutes ces années que tu fais de la radio, de très longues années même on va dire, quel a été ton plus grand fou rire à radio? Oh putain, j'en ai eu beaucoup je pense, non? J'en ai eu 1 milliard, le dernier c'était franchement en gros fou rire, il y a quoi, il y a une dizaine de jours j'en ai eu un ici, c'était par rapport à quoi? Où c'était je pleurais de rire, j'arrivais plus à m'arrêter. C'était Vaché qui a fait un truc, non? Non, il y avait une histoire de crotte de nez. C'était le hashtag de qui n'a jamais. Ouais, il y avait un nom de crotte de nez que j'avais jamais entendu. Ah, le Pitou. Le Pitou, ouais, voilà. Et bah, tu sais quoi, je crois que le Pitou, de mémoire en tout cas, là, le premier qui me vient, c'est celui-ci, vraiment. Ouais. Mais je pense que, voilà, tu vois, sans cracher dans la soupe des autres radios pour lesquelles j'ai mangé, hein, beaucoup, hein, mais je pense qu'à Fun, j'ai dû avoir mes plus gros fous rires quand même depuis qu'on est sur Fun Radio, on va pas se mentir. Cette émission, c'est tellement n'importe quoi que je crois que c'est ici. Mais le Pitou, voilà, moi c'est le Pitou, Nico. Eh ben voilà, va très bien. Eh ben voilà. Je te fais des bisous, mon pote. Merci. Merci, une belle journée. Salut. Belle journée à toi. On va jouer là dans moins de 3 minutes. C'est le premier jeu du matin. Vous le connaissez. Le Toto gagné, Toto perdu sur Fun Radio qui va vous permettre de repartir avec un overboard, une caméra GoPro, un casque Bruno dans la radio et la compile Bruno dans la radio. Le temps d'écouter Pitbull et Florida. Hi, it's your boy Florida with Bruno on Fun Radio. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. 3 Miami Boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. And step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, glow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. C'est marrant parce que je reçois avec le hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. On a nos ordinateurs qui sont connectés sur Twitter. Je l'ai essayé il y a quelques mois, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Bien avant la naissance de mon fils, peux-tu me l'offrir? Signé Vacher de l'équipe. Mais c'était génial, c'était génial. Il y avait un truc où t'étais dans une cage, il y a des requins qui t'attaquaient. Il y avait un truc où t'étais en voiture, tu te faisais tirer dessus, tu pouvais choper l'arme et tu commençais à ouvrir la porte de la voiture. Mais tu t'y croyais, c'était mec, génial. Si tu veux vivre ça, va habiter à Marseille, hein, franchement. Ah oui, bon, on vous l'offre ce matin. Voilà vos tweets avec le hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est déjà numéro 1 en top tweet France avec le hashtag Bruno Fun Radio. Bah, balancez les autres en top tweet, les amis. Sound of Legend, Blue, ça arrive sur Fun Radio. Est-ce qu'on ferait pas un petit battle du grenier ce matin avant 7h? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de battle du grenier. Moi je suis pour. T'es pour? Est-ce que t'as un titre? Oh, je peux te trouver ça en On peut demander minutes. Aux auditeurs, est-ce que vous avez du titre pour la battle du grenier? Vous choisissez un vieux titre qu'on ne passe pas plus sur Fun Radio depuis longtemps, mais qu'on remet. On peut aller jusqu'à quelle époque? Moi j'avais un truc vraiment vieux, mais moi j'ai un truc de 1924, mais je sais pas si ça va vous plaire. Pas trop loin non plus, hein. Il faut que tout le monde soit né. Hein. Ah oui merde, donc ça. À la majorité quoi. Ah non. Ça c'est mort. Pourtant, et. Il me parle tout bas. Bah. Ça, quand même. Il manque un petit beat dance floor derrière quand même. Ok, très bien, qu'à cela ne tienne, c'est pas le respectueux pour, mais enfin bon. Ouais. Ça marche aussi, hein, vraiment. Hein. C'est mieux, ouais. Bon, on vous trouve deux titres, mais vous pouvez participer, hein, vous, les amis, sur la page Facebook, là, balancez vos idées. Gabriel a 21 ans, il est parisien, Gabriel, et il est étudiant en journalisme. Applaudissements pour Gabriel. Salut. Bonjour. Salut Gab, étudiant en journalisme, 21 ans, c'est quoi, c'est ta première année? Ouais, je suis en première année de master. D'accord, ok. Tu veux faire journaliste quoi? Presse écrite, dans quel radio. Domaine? Le sport, tu veux quoi? Journaliste radio, j'ai fait de la radio associative, locale. D'accord. Voilà. Très bien, c'était quelle radio locale sur laquelle t'as bossé? Graffiti Urban Radio. D'accord, et c'est où? C'était en où Vendée. En Vendée, d'accord, très bien. Moi, c'est bien les radios locales. C'est moi, j'ai. Très bien. On a tous commencé plus ou moins par là. Voilà, c'est bien, oui. C'est bien les radios locales. Mais on vous écoute quand même, en y allant et en revenant. Alors, c'est quoi? Mais tu crois pas si bien dire. J'ai souvent des messages de gens qui bossent dans des radios concurrentes, et d'ailleurs pas forcément des radios locales, qui nous écoutent le matin pendant leur disque. Et ben, j'en profite. Ça nous met à fond, quoi. J'en profite pour les embrasser. Gabriel, mon pote. Alors, en arrivant en direct sur Fun Radio, tu viens de gagner un hoverboard, d'accord? Il vaut 400 boules, il est vraiment beau. Je rajoute une caméra GoPro. D'accord. Je rajoute un casque Bruno dans la radio et la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, Gabriel, c'est que tu les gardes. Et pour les garder, il faut que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser. Puisque si ça n'est pas le cas, une mauvaise réponse égale la perte d'un cadeau. D'accord? Ok. Et bon, on y va sans pression. Allez, première question. C'est parti, chef. Une étude révèle que la chanson qui fait le plus d'effet au couple... Pendant l'amour, c'est cette chanson. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est non. Pas votre amour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je sais que c'est faux parce que je l'avais lu une étude comme ça. Ouais, c'est faux. Et dans mon souvenir, c'était Dirty Dancing. Exactement. Hey bien joué. Bravo. C'est quoi? Ça me fait rire. Ça, on en avait parlé de cette étude, l'étude des chansons qui donnent envie de faire l'amour. Il y avait ça, il y avait Marvin Gaye de mémoire. Mais on pourrait lancer la compile des titres qui, quoi qu'il arrive, te coupent l'envie. Est-ce que vous voulez pas... J'adore l'idée. Est-ce que vous voulez pas... Mais par exemple, le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. À mon avis, on est peu de gens à avoir envie de niquer quand on écoute le petit bonhomme en mousse. Tu vois. J'avoue. Ou alors même, si vraiment t'es en train de faire l'amour et que t'as... Le petit bonhomme. Tu pars, ça peut te couper l'envie. Ouais, et bah tu sais quoi, on lance cette compile là, d'accord? Dans moins de 10 minutes, vous appelez le 3228 et vous nous dites le morceau, voilà, qui te coupe toute forme d'envie. C'est ouais, ou c'est même si t'es devant le mec le plus hot de la terre ou la nana, c'est un mannequin, tu peux pas. Non, d'accord. Impossible. C'est pas possible. Parce que t'as la chanson qui fait que c'est pas possible. Okay. Ok, on lance ça. Bon, en attendant, Gabriel, tu gardes tous tes cadeaux. Voici la deuxième question. La clinophilie, c'est la peur des cliniques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je dirais non. Ouais, c'est faux. C'est le fait de rester au lit la journée, allongé pendant des heures, tout en étant éveillé. Et il faut savoir que c'est un des premiers symptômes de la dépression. Avant d'être dépressif, t'es clinophile. D'accord. Bah, c'est un peu bêtant, ça. Et ouais. Tu vois, Gabriel, étude de journaliste, bah, ça t'aurais écouté France Inter, tu l'aurais pas dit. Troisième question. Les empreintes digitales de l'homme et celles du koala sont quasiment identiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, je dirais que c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Putain, c'est ouf. Ça a genre des doigts, quoi. Exactement. Et tu sais que même une étude précise au microscope ne permet parfois pas de les distinguer, l'empreinte du koala et l'empreinte de l'homme. Bah bien sûr, et souvent dans les épisodes des experts, tu l'entends, est-ce un koala ou un homme? Bien sûr. Il y a des koalas qui ont vraiment tiré sur des gens, ils sont barrés, après la police relève les empreintes sur l'arme et c'est le propriétaire qui se fait engueuler. Ça se trouve, la vague de Kim Kardashian, c'est des koalas. Ah bah ouais. Ils sont partis en vélib en plus. Mais attends, mais ça se trouve, tu vois, toi qui aimes pas les chats, tu dis ouais, les chats ils veulent contrôler le monde, mais ça se trouve, non. Ça se trouve, tout ça, c'est l'œuvre des koalas. Bien sûr, on n'en parle pas assez. Parce que quand tu les vois, les koalas, là, comme des cons attachés à leur branche de calypus et qui te regardent, tu vois, en mode ils sont mignons, ça se trouve c'est des vraies petites putes, les koalas. Ils s'attendrissent, mais déjà leur nez est bizarre, ils ont un nez dur, tu vois ce que je veux dire. À mon avis ils prennent de la coke. On est d'accord, ils ont l'air drogués, les koalas. Je pense aussi. Foiré de koala. Gabriel, tu gardes tous tes cadeaux. Voici la dernière question. 32% des Français ne font pas la grosse commission aux toilettes tous les jours, c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est possible. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est tout ou gagné. Je vous adore. Je vous avoue, le Nord, c'est le rêve de ma vie. Hein, bon, donc... alors là, t'as tout. l'Overboard, la GoPro, le casque Bruno dans la radio et la compile Bruno dans la radio. On t'envoie ça chez toi, ça va pas arriver dans bien longtemps puisque t'es à Paris. D'accord, mon pote? Oh, je vous aime, je vous adore, vous êtes géniaux. On t'embrasse. Je vous embrasse aussi. Gros bisous, à très vite. Bisous, mon chou. Belle journée, Gabriel. T'as pas allé aux toilettes au moins une fois par jour. Mais il y a que les enfants qui y vont une fois par jour. Moi, je t'explique, moi j'y vais trois fois par jour à minima. Ah, moi, je fais pas une fois par jour ça. Sans rentrer dans. Et bah, tu sais, c'est peut-être ce qu'il faut que tu fasses pour perdre du poids. À un moment, tout ce que t'avales, il faut que ça ressorte. Elliot, il va juste à Noël, lui. La personne va exploser. Quoi. Bon, c'est quoi le morceau qui vous coupe l'envie, quoi qu'il arrive? Ça, c'est un sujet qui me fait marrer. 32-28, on fait de la radio ensemble, juste après Sound of Legend. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes le 12 octobre. Tiens, qui dit mercredi dit répondeur des enfants, ce sera tout à l'heure 7h du matin. La question que nous avons posée aux enfants cette semaine, c'était, à ton avis, c'est quoi le plus embêtant quand tu es une vieille personne? Il y a plein de choses qui sont embêtantes. Hein. Bah, tiens, j'ai une proposition. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Le plus gros défaut de maman, c'est de faire des gâteaux pas comestibles. Bisous. C'est celui de la semaine dernière. Ah, c'est celui de la semaine dernière. Oui. On n'a pas rentré cette semaine. On vient tout juste de les valider, Bruno. Ah, pardon, excusez-moi. En même temps, ça marche. Les vieilles personnes peuvent faire des gâteaux dégueulasses. Non, les vieilles personnes peuvent avoir des gâteaux périmés. Ah oui, ah, ça c'est vrai. Quand ils te servent un café, souvent ils te sortent une boîte de gâteaux de petit beurre, souvent qui datent mais de 50 ans. C'est ça. Et tout dur. Ouais. Moi, ma grand-mère, elle avait ce don-là. Ou alors elle me sortait des chocolats mais qui étaient blancs sur le dessus. Ah, bah, bien sûr. Et si tu lui refusais, elle était vexée, la pauvre. Ah, bah, donc sûr. Tu le mangeais, mais tu sais, tu le mangeais, tu mettais 1000 ans à le manger. Bon, en plus, c'était des chocolats à la crème, c'était des crottes au chocolat. Mais sauf que c'était. Tu sais quoi, je crois que c'était de la vraie crotte dedans. Si ça se trouve, tu vas chez les grands-parents, je suis sûr que tu peux trouver des bonbons avec les prix en francs dessus. C'est ça. Allez, vas-y, vas-y, c'est encore bon. Bon, est-ce que vous faites des listes quand vous faites les courses, c'est-à-dire quand vous achetez des crottes en chocolat par exemple? Oh, le mot crotte en chocolat, c'est fou. Hein. C'est... Ça existe toujours vraiment ou pas? Bon, je crois que c'est les grands-parents. Qu'est-ce qu'il y a systématiquement sur votre liste de courses? C'est un produit. Moi, il y a des knackis, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu avais dit qu'on mangerait des glaces. Oui. Oh, je la déteste. Arrêtez de parler de cette petite fille. Alors, autant elle est mignonne, autant j'ai envie de lui mettre une baffe. C'est pas sa faute. Arrête, arrête. On sait que tu le fais exprès pour être mignonne dans la pub. On le sait qu'on t'a demandé de faire ça pour faire vendre. Calme-toi. Et tu le fais mal. Sur 70%, c'est le chiffre du jour des listes de courses. On retrouve un produit particulier. D'après vous, c'est lequel? Ah, c'est peut-être pas les knackis, du coup. C'est pas forcément les knackis, non, je te confirme. 32-28, on fait de la radio ensemble. On va en parler dans quelques minutes. Mais pour l'instant. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais, 6h-9h. On est parti dans le délire tout à l'heure. C'est une question très très con du tout ou gagné, tout ou perdu. On disait, voilà, la chanson qui donne envie de faire l'amour, la vraie, hein, c'était la musique de Dirty Dancing. Nous, on avait mis cet extrait. Et je disais ça, moi, c'est plutôt le contraire. Ah bah, qui a envie de faire l'amour sur cette chanson? Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, tu sais quoi? Disons la compile des chansons qui te coupent l'envie. C'est-à-dire que t'es en train de faire l'amour et au moment où t'entends ça, tu t'arrêtes tout. Ok. Je dis, excusez-moi, je peux plus. Je m'en vais. Voilà, je m'en vais, excusez-moi, madame. Pardon, monsieur, mais il faut que je m'en aille. Tiens, tour d'équipe d'abord, au standard. Allez. On va prendre du monde au standard après. Christina. Alors, moi, c'est un titre que j'aime bien en plus, mais pour faire l'amour, c'est pas possible. C'est Dimitri Vegas et Like Mike. C'est que t'es pas sportive. Ah ouais. Ça, c'est pas possible. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ça, franchement, à fond dans une voiture après une soirée arrosée en boîte, c'est quand même un kiff. Ah non. Pourquoi? Ça fait un peu bourrin, tu penses? Ouais, exactement. Ça fait vraiment ramonage, quoi. Bah, comment te dire? C'est ça, dis donc. Bah là. Là, franchement, à mon avis, tu peux allumer du feu. Hein. Avec les frottements, tu peux faire un feu de bois sur ce dos. Je peux comprendre. Va chier. Moi, j'ai un délire avec une chanson de Louane. C'est la chanson de la famille Bélier. Voilà. Ah oui. En fait, c'est horrible parce que ça passait pendant un temps, là, il n'y a pas très longtemps, sur Canal+, et elle me fait pleurer, cette chanson. Je la trouve magnifique. Et justement, c'est arrivé. Pendant qu'on commençait à faire l'amour sur le canapé, il y avait ça. Et j'ai dû m'arrêter parce que j'avais envie de pleurer. C'est hyper émouvant, je trouve. Et tu peux pas faire. Tu peux pas faire l'amour, tu vois, sur des paroles aussi belles, tu vois. C'est impossible. Ça fait trop. Tu vois, t'as envie de serrer Louane dans tes bras et de dire arrête. Reste avec tes parents. Ils sont vieux, ils sont aveugles ou muets, je sais plus. Ils sont muets. Ah oui. Ils sont sourds. Ils sont sourds. Ah oui, pardon. C'est bon, bref. La famille Bélier 2, je crois qu'ils sont aveugles. Oh, c'est génial. Les racistes des handicaps, quoi. C'est quoi le pitch de la famille Bélier 2? C'est la même chose que la famille Bélier 1, sauf que les parents sont aveugles. Et c'est génial. Quand leur fille chante, bah, ils s'en foutent. Mais ouais, alors, mais c'est de la chanson. Non, en fait, la fille a fait du mime. Et dans le 3, ils sont handicapés. Les parents c'est ne voient pas. Oh mon dieu. Bon, Elliot, c'est quoi pour toi la chanson? Moi, c'est Christophe Maé. Là, pourtant, je l'aime bien lui, mais le tout dernier single, là, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Moi, j'ai envie de dire dans ton cul à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il est où? Ouais, je peux comprendre. Moi, j'aime beaucoup Christophe Maé, qui est un pote, mais j'avoue que cette chanson. Mais elle agace beaucoup de monde, j'ai l'impression. Ah ouais, elle est énervante. Ouais, t'as envie de prendre sa guitare et la rentrer dans un endroit où il a pas envie de la ranger. Hein. Vraiment. On a qui? On a Sylvain, il est à Agen. Bonjour Sylvain. Coucou la famille. Coucou. Salut. Allez, on est en train de parler des chansons. Systématiquement, t'entends, ça coupe l'envie. Moi, c'est bien, moi, un petit coup à la maison. Ah, bah, tu vois. Bah, déjà, faut avoir l'occasion d'écouter cette chanson. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Oh, tu sais quoi? Moi, je dois l'avoir dans mon iPod. C'est vrai? Bien sûr, mais tu sais, t'as des trucs un peu honteux dans un iPod. Si jamais tu mets une playlist en mode shuffle et qu'il te sort ça un moment. Ou alors tu changes des paroles. Alors viens, tire un petit coup à la maison. Et encore. Je peux comprendre, Sylvain. Je t'embrasse, mon poteau. Ah, plus tard. Belle journée. Ciao, ciao. Martin, il a 24 ans. Il est lillois. Bonjour, Martin. Salut, Bruno. Salut, tout le monde. Salut. On parle de chansons qui coupent l'envie. Moi, c'est la chanson de Rocky, Eye of the Tiger. Ah bon? Ah bon? Ah, pourtant, ah ouais, ça peut t'encourager, non? Ah, je peux pas. C'est ma chanson de course. C'est mon 7e kilomètre. Ah, c'est quand tu fais de la course, tu fais ça, ah ouais, donc forcément. Pas, faut pas mélanger. Ouais, c'est pareil, remarque, faire l'amour là-dessus. Puis quand tu cours, ça dure au minimum une heure, alors que quand tu fais l'amour, bon, on va pas se mentir. Hein, c'est vrai. La course est plus rapide, hein, tu mets pas le parcours sur internet pour partager avec tes potes. Hein. Martin, on t'embrasse, bon pote. Aurel, 24 ans à Dijon, salut Aurel. Salut Aurel, salut. Ok, d'accord. T'as pas de soucis. Salut Sammy, comment ça va? Salut. T'as le droit de te dire bonjour à toi aussi. Hein. Oui, si ça se trouve, t'as pas parlé depuis ce matin, tu peux te dire bonjour quand tu travailles. Aurel, c'est quoi la chanson qui te coupe l'envie? Ah bah c'est Tragédie Eo. Bon, heureusement on l'entend plus maintenant, mais. Est-ce que tu m'entends Eo? Oui. Bah... Oh, alors si tu mets les coups de rein que sur le EO, t'as pas fini, hein. Encore une fois, eh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, puis après, c'est fini, quoi. On t'embrasse, Aurel. J'adore. Moi, vous m'avez pas demandé, mais moi, il y a un vrai dos. Ah oui, c'est ah, quoi, ouais, toi, ouais, Bruno? Un vrai dos qui pourrait me couper, c'est ça. Peut-être parce que c'est chanté par des enfants, non? Eh ben, c'est pour ça. J'ai peur que ça me chauffe, en fait. Chainsmokers, ça arrive sur Fun Radio. Ils étaient en concert cette semaine à Paris. Ils ont foutu le feu, les amis. C'est vraiment le dos de l'année. Chainsmokers et Mike Perry. Ça va arriver. Puis avant 7h du matin, j'ai lancé un battle du grenier. Je vais aller faire un petit tour là sur la page Facebook, voir si vous avez des propositions de titres, de vieux titres qu'on peut écouter avant 7h. A tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Bougez pas, Bruno. Isabelle habite la queue en Brie et c'est déjà tout un programme. Elle a un moment happy à partager avec nous. Là, ce sera dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Et puis ce matin, vous gagnez votre pack PlayStation VR. 1210 euros le cadeau, les amis, qu'on va livrer chez vous de façon personnelle cet après-midi. On viendra chez vous en train, vous amener la veille de la sortie, la PS4, le casque VR et tout ce qui va avec, avec 11 jeux en plus. Vous tweetez, vous Instagrammez, vous Facebookez avec le hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. Fun Radio. Le son Dance Floor. Bonjour Maxime Poulaouec. Bonjour Bruno. Comment ça va mon pote? Très bien et toi? Eh ben plutôt pas mal. On va commencer les infos avec un petit bulletin météo. Alors moi, à titre personnel, oui, je peux dire que ce matin, j'avais du givre sur mon pare-brise. Ah, il fait froid. Première fois de l'hiver et là tu te dis merde, il fait froid. Ouais, il fait très froid, 0 à 5 degrés ce matin de moyenne, un peu plus si vous êtes dans le sud près de la Méditerranée, une dizaine de degrés ce matin. Mais dans le sud, il y aura pas mal de nuages aujourd'hui avec notamment de la pluie dès ce soir, de fortes précipitations orageuses au cours de la nuit prochaine. Soyez prudents sur le pourtour méditerranéen et puis plus au nord, le soleil résistera. Dans l'après-midi, on aura 11 à Lille, 13 à Reims, 14 à Paris, mais encore 15 à Brest et Lyon, 16 à Nîmes et 20 degrés à Perpignan. Des voitures de police équipées de dispositifs anti-caillassage, des uniformes résistants au feu. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé hier plusieurs mesures pour assurer la sécurité des forces de l'ordre dans les zones sensibles. Cela fait suite à l'agression de policiers le week-end dernier dans l'Essonne. Opération recrutement chez Renault. Le constructeur automobile a annoncé hier le recrutement de 1000 personnes supplémentaires en CDI en France d'ici à la fin 2016, confirmant ainsi la reprise des embauches engagées en 2015. Le nouveau personnel sera affecté dans les usines et dans les métiers de l'ingénierie. Le gouvernement veut en finir avec la logique du conducteur fantôme. L'Assemblée nationale doit voter aujourd'hui un projet de loi qui obligera les entreprises à donner le nom des salariés à flasher au volant. Trop de conducteurs de véhicules de société s'en sortent trop facilement. Chaque année, 2 millions de points ne sont pas retirés pour non-dénonciation de l'infraction par les patrons. Lors des explications, la commission de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby convoque ce matin 3 joueurs du Racing 92. Ils devront expliquer pourquoi les traces de corticoïdes ont été retrouvées dans leur urine le soir de la finale du top 14. Et puis en foot, l'équipe de France Espoir ne participera pas au prochain Euro dans sa catégorie. Malgré une victoire en Irlande du Nord hier soir, les Bleuets ne se sont pas qualifiés. C'est le 6e échec consécutif pour les jeunes tricolores. Bon réveil avec Bruno. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Bonjour la famille, mercredi c'est le 12 octobre, c'est Fun Radio, c'est Chainsmokers. Et Mike Perry, c'est ce qui arrive là, dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio. C'est le chiffre du jour. Le chiffre de ce mercredi matin, 70%, c'est le chiffre du jour. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes 70% à mettre, quoi qu'il arrive, un truc sur notre liste de courses. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Ce produit qu'on met systématiquement, à chaque fois qu'on part faire les courses. Elliot. Est-ce que c'est pas de la sauce barbecue ? Non. Par peur qu'il l'oublie au McDo, moi j'en ai toujours en réserve. Non, non, non. Non, non. Faudrait que tu ailles à un moment chez un psy pour parler de ce sauce. Problème, de cette addiction. Parce à que la j'ai sauce de la sauce NEM aussi, j'en achète toujours parce que j'en mets partout, dans la salade. Et vive les sauces. Tu sais que c'est triste, mais la dernière fois que j'ai pensé à toi, Elliot, en dehors de la radio, c'est parce que je suis allé dans un magasin chez un grossiste. Tu vois, je suis passé par hasard et tu pouvais rentrer. Et ils vendent des pots de sauce de genre 1 litre. Oh. Et je te jure, il y avait toutes les sauces. Et je me suis dit, tu fous Elliot là-dedans, mais il fait un AVC. Je veux venir, moi, chez. Les amis, 6h34. Bonjour Amélie du Standard. Bonjour. Bonjour. Tu sais que ça va te coûter cher cette histoire. Hein. On est dans la deuxième demi-heure. On est passé à combien sur la demi-heure de retard dans l'émission ? 25 euros la demi-heure, ça fait 50 euros le retard. Là. Bon, bah voilà. 50 boules. Putain, à 5 minutes près, t'en étais qu'à 25. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah, je sais pas, en fait, j'ai pas mis mon réveil. Ouais. Ce qui est chiant quand tu fais le matin à la radio. Ouais. Et en fait, normalement, il y a un chauffeur qui vient me chercher, sauf que ce matin, il venait pas me chercher. Donc... Ah, il y a un chauffeur. Madame, attends, un chauffeur. Attends. Les standardistes ont des chauffeurs et nous, on se fait chier avec notre vieille caisse pourrie. Non. Qu'est-ce que vous faites, Amélie ? J'attends mon chauffeur. Bon, allez, pose-toi, ma chérie, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Elle 50 boules de plus. Je vous le dis direct. Hein, oui, parce qu'il faut savoir qu'on met 25 euros par demi-heure entamée de retard dans l'émission. Autant vous dire que Meryl est bénévole là depuis. Toi, septembre, octobre, novembre, tu n'étais pas payé, hein, tu le sais. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, alors, je le disais, 70% des listes de courses possèdent un truc. C'est pas la sauce barbecue. Christina. Bah, j'ai proposé les knackis, tu m'as dit non. Est-ce que ce serait pas le produit vaisselle sinon ? Non, pas le produit vaisselle. Produit vaisselle, tu le mets une fois pendant un mois. Je sais pas comment on fait à la maison, j'en achète toutes les semaines. Quoi ? Mais je sais pas, on a un problème avec la vaisselle chez nous, on en met beaucoup quoi. Quoi ? Ouais. Je t'explique, un truc de produit vaisselle, ça dure un mois. Bah pas chez moi. Bah, tu rigoles ? Non, mais tu prends pas le super concentré, tu mets une goutte et boum, c'est propre. Vous connaissez ma maniaquerie ? Bon bah voilà, j'utilise beaucoup de produits vaisselle. Oh là là. Mais en fait tu fais des soirées mousses dans ta cuisine. C'est quoi le délire ? Ça. Même sa fille elle l'a passée à la vaisselle, c'est elle, avec le côté vert de l'éponge. Oui. Eva, 18 ans, elle est à Angers. Bonjour Eva. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Ça va, mais Eva, tu fais quoi dans la vie à Angers à 18 ans ? Je suis étudiante. D'accord. Bon, c'est quoi le truc que tu mets toi sur ta liste quoi qu'il arrive ? Toujours de l'eau et des yaourts. Ah tu vois, l'eau et les yaourts, j'aurais dit ça. Ouais. Au yaourt, ouais, j'aurais dit ça sur l'eau et les yaourts. Mais c'est pas la réponse que j'attendais, je suis désolé, Eva, je te fais des bisous. Bisous. On a Nicolas qui est l'auditeur du jour, il est à Rouillac, Nicolas, c'est lui qui a attaqué l'émission, il peut participer quand il veut, il le sait, il a la ligne directe. Rebonjour Nicolas. Rebonjour Bruno. Alors, ce qu'il y a systématiquement sur la liste de courses, c'est quoi ? Alors moi, personnellement, c'est de la charcuterie et du fromage, parce que ça, c'est essentiel pour un bon repas. Et de toute façon, c'est ce que disent les diététiciens. Moi, souvent, ils te disent, les fruits et légumes par jour, c'est de la connerie. Par contre, du pâté, pâté, rillettes, jambon de pays de préférence, plus du comté et du brie coulant, et nickel. Et après, les saucissons. Si vous sortez de ce régime-là, que vous prenez n'importe quel autre aliment, il faut rajouter du beurre dessus. Bien sûr, bien sûr. Nicolas, c'est pas la réponse que j'attendais. 70%, les amis, sur 70% des listes de courses, c'est le chiffre du jour, on trouve de la mayonnaise. Ah ouais, Oh, j'en ai jamais chez moi, de la mayo. Ah, moi non plus. Oh bah, moi, honnêtement, il n'y a qu'un truc. Non, mais moi, j'en ai tout le temps. Quand j'en ai pas. C'est marrant, tout le monde s'est tourné vers Elliot. Un jour, on m'a dit, et je vous jure que c'est vrai, Elliot, toi qui adore la mayonnaise, tu devrais essayer d'en faire une maison. Tu verrais que c'est que de l'huile. Et donc du coup on m'a donné la recette, mais en fait ça m'a pas du tout dégoûté, ça me fait kiffer. Donc maintenant je sais faire la mayo. Effectivement, tu mets un œuf, de la moutarde et après c'est que de l'huile. Faut pas le lancer sur la sauce. Mais, ouais. Bon, vas-y, mais c'est bon. Et puis moi je rajoute toujours de l'ail. Maintenant ça fait une sorte de mayonnaise aillée. Ouais, ça fait un aioli. Quoi. C'est bon. Alors par contre il y a un truc que je déteste. Alors ça vraiment, dites-moi que vous aussi, c'est la mayonnaise blanche. Mais qui achète ça? Faut vraiment pas se respecter. La mayonnaise là. Non mais souvent c'est même pas une question de prix ni rien. Est-ce que vous voyez celle dont je parle? La mayonnaise un peu peut-être, je sais pas. D'où elle sort, elle est blanche. D'où une mayonnaise est blanche? Une mayonnaise, c'est jaune. On dirait vraiment une mayonnaise dans un restaurant. Ouais. Franchement, cette mayonnaise, c'est ne pas se respecter. Je vais dire au chef cuisinier ce que je pense de sa mayo et j'espère qu'il va pas mal le prendre, sinon, c'est mon poing dans sa figure. Tu le limites super bien, Non, mais cela dit, je suis d'accord avec Elliot. Moi, je suis de la team mayo faite maison, quoi. C'est une hérésie. C'est meilleur. Déjà, j'en mange très rarement, mais quitte à en manger, autant la faire soi-même, quoi. Ou Benedicta ou Amora. Ouais, vas-y, frappe ici, frère. Ouais, vas-y. Il la mange à la cuillère, quoi. Comme la Nutella. Je l'ai vu faire. Mais c'est-à-dire, la mayonnaise maison, je peux la manger à la cuillère aussi. Hein. Chainsmokers Closer, c'est tout de suite, c'est sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. And 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson, okay. Bienvenue sur Fun Radio, 6h42, on aura Isabelle là dans quelques secondes au téléphone depuis la queue en Brie. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, bonjour, elle a un petit moment happy à partager avec nous, on va faire ça avec toi tout à l'heure. On écoutera Mike Perry. Je suis pas allé voir sur la page Facebook, je vais faire un petit reload là de la page Facebook pour voir si vous avez des propositions pour la battle du grenier, qu'on lance un truc là dans 4 minutes. Et puis ce matin, je voudrais faire un petit coucou à Michel de Pluvigné. Michel de Pluvigny, Michel Jossé, parce qu'il faut donner son nom, a battu un record hier. Un record qu'il avait commencé depuis quelques semaines déjà. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? D'avoir les ongles les plus longs du monde. Non, ça c'est un Indien, je crois qu'il l'a fait, ça. Non, rien à voir. D'avoir les poils de sourcils les plus longs du monde. Non, du tout. C'est un truc qu'il a fait. Il a fabriqué quelque chose. Elle est sur le plus long, Christine, en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Faudrait faire analyser ça par un psy. Il y a un problème en ce moment dans ton couple. Une grande statue en pâte à sel, un truc comme non, ça. Non, mais c'est un truc, pas de la pâte à sel, mais un truc qu'on peut faire gamin. Pâte à modeler ? Ah, il a construit genre une fusée lui-même et il l'a envoyé sur l'espace. Non, pas une fusée. Il a construit le plus grand puzzle du monde. Ah bon ? Ouais. Ah, alors, il s'ennuie beaucoup. Il est au chômage, non ? C'est pas bien de dire ça. Quand t'es au chômage, tu t'ennuies pas forcément. Il galère pour trouver du boulot. 3600 pièces, le puzzle. Combien ? 33600 pièces. Oh. Alors, c'était un colis de 18 kilos, 165 jours de travail, d'accord, ouais. Pour faire ce puzzle qui va être du coup exposé dans son village. Bon, t'es peut-être pas au chômage, mais t'es célibataire. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, ouais. C'est sûr. Bravo, Michel ! Bravo ! Bravo ! Allez, à tout de suite sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. C'est ça. Fun Radio. Le son dance floor. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. Listen up for your lies. Don't drown your heart. remplacement. Il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Hashtag Bruno, offre-moi la PlayStation VR. C'est ce que nous avons lancé en début d'émission, les amis. Autant vous dire que depuis 6h du matin, puisque j'ai lancé ça à 6h-5, c'est en top tweet France. C'est le sujet dont on parle le plus sur Twitter. Pourquoi? Parce que nous allons choisir un message avec ce hashtag à 9h du matin, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou sur la page Facebook. Nous allons en inbox vous contacter, vous demander votre numéro de téléphone et nous vous accueillerons ensuite à l'antenne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, bon, on va vous annoncer que vous avez gagné le kit PlayStation avec la PlayStation, le casque de réalité virtuelle, la caméra qui va avec le casque, les deux manettes qui vont avec le casque de réalité virtuelle, plus 11 jeux. 1210€ le cadeau. Christina et Elliot partiront avec le pack. On l'a mis en photo, hein, on l'a. Il ne sort que demain. On l'a en avant-première. Voilà, il y a plein de radios qui vont dire on vous l'offre en avant-première. C'est faux. On est les seuls à l'avoir vraiment physiquement. Vous le voyez, et pour à vous la le prouver, caméra. Ouais. On va envoyer Christina et Elliot où que vous soyez en France ou en Belgique, chez vous. Ils arriveront en train et ils déposeront le truc directement chez vous. Vous l'aurez dans la journée. Et ce qui est extraordinaire, et franchement, je suis fière d'avoir des auditeurs comme vous pour toute la famille, parce que bah, vous nous invitez à carrément manger chez vous ce midi. Alors, il y a par exemple Nono qui nous propose de manger, Elliot, du poulet au paprika risotto. Il y a Aurel qui nous propose, il nous demande si on aime les sushis. Il y a Claire qui nous dit, est-ce que vous voulez pas un petit magret de canard ou un petit filet mignon? Mais vous êtes géniaux. Il y a même une fête foraine à moitié prix, j'ai vu passer ça. On peut y aller. Rester ce midi, manger chez vous sans problème. Ouais, mais ça dépend où vous allez, parce que si vous partez loin en France, le train sera peut-être plus de 3h30. On aura peut-être l'avion, du coup, si c'est un peu loin. Oui, c'est ça. Si vous êtes à la montagne, je sais pas, moi, ça va dépendre de la personne qui sera sélectionnée. Ce sera tout à l'heure à 9h du matin. Pour l'instant, moment rapide ce matin, on retrouve Isabelle qui est donc à la queue en Brie. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Nous ne ferons pas de vannes sur le nom de ta ville. Non. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont été faites déjà. J'aurais juste que tu me dises, c'est quoi le gentilé des gens de la queue en Brie? Les quoi? C'est quoi le nom des gens? Comment on appelle les habitants de la des gens de la queue en Brie? Les Codassiens. Codassiens. Des fois, j'utilise des mots, je suis désolé. Le gentilé, oui, tout le monde connaît. Ouais, mais c'est parce que l'été, je travaillais à RTL. Donc, du coup, à RTL, tout le monde connaît gentilé. Ça fait un peu plat, quoi. Je vous mets un peu de gentilé sur la tarte. Oui, s'il vous plaît. Isabelle, t'as un moment à pied à partager avec nous. Qu'est-ce que c'est? Alors, mon papa a 67 ans. Et à ma grande surprise, cet été, il me dit qu'il s'est inscrit sur un site de rencontre. Ouais. Ah. Alors, je l'ai mis un petit peu en garde. J'ai dit, tu vas peut-être pas trouver la bonne personne tout de suite, ça va être un petit peu long. Et puis, en fait, au bout de 8 jours, il y a une dame qui clique sur son profil. Et puis, ils ont parlé pendant à peine une semaine sur Skype. Ils se sont rencontrés un soir. Ouais, il a pécho. Parce que tout de suite, ils ont tilté et ils ne se sont pas quittés depuis le mois d'août. Ils sont tout le temps ensemble. Oh, c'est génial. C'est génial. Il a pécho le daron. Oh, c'est fort. Non, mais c'est bien, je trouve. C'est une belle histoire, ouais. C'est une belle histoire. Putain, moi, si mon père essayait de pécho sur Internet, déjà, il faudrait que je lui explique Internet. Et puis après... On est encore au modem, je pense. Vraiment. Oui, Elliot. Et la tuyauterie, elle marche toujours à cet âge-là? Ouais. En fait, on a l'avantage, nous. C'est qu'on peut, jusqu'à notre mort, en fait. Et même si ça se trouve après notre mort, on peut encore. C'est bien. Les garçons ont cet avantage-là. Oh, super. Isabelle, mais du coup, elle a quel âge alors, la elle nana? Elle a 69 ans. Mais c'est fort. Moi, tu sais quoi, je trouve super. Je trouve ça super classe. Et lui qui a que 67, il sort avec une cougar. Ça fait plaisir. Isabelle, je veux t'entendre crier, je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est classe, hein. Bon, on a lancé un petit battle du grenier. Est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Je suis pas persuadé qu'on puisse le faire avant 7h du matin, mais on le passera après. C'est pas grave, on peut le lancer maintenant. On le fera avant 7h30. Alexandre à Caen, bonjour Alex. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Alex, il a posté sur la page. Dans la radio. Oh, j'ai pas fini ma phrase. Alex, désolé. Ah, y a pas de souci. Alex, t'as posté sur la page Facebook, donc Battle du Renier, vous choisissez un vieux titre, on vous oppose à quelqu'un de l'équipe et ce sont les auditeurs qui votent sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. T'as choisi un titre qu'on avait, je crois que dans les tout débuts de la Battle du Renier, on l'avait déjà passé, mais c'est pas grave, ça fait très longtemps. T'as choisi quel titre? Alors ça date de 2001, c'est The Superman Lover et c'est Starlight. Ah, c'est bien ça. C'est vrai qu'il est bien ce titre. Un bon son ça. Alors, on va faire un com spécial sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Avec donc ce morceau, vous voulez l'écouter, vous likez Starlight. Et donc, bah, tu connais le principe, Alexandre, je t'oppose quelqu'un de l'équipe. Et en l'occurrence, c'est Christina qui rentre dans la bataille. Alors moi, je rentre avec un titre qui s'appelle Don't Chase et les Pussycat Dolls. C'était bien aussi. Don't Chase. Quelle année? 2005 contre 2001. Vous votez facebook.com/Bruno dans la radio. On balance aussi sur Twitter. Vous choisissez et vers 7h15 on écoutera soit Doncha, soit Starlight. D'accord Alex? Ça marche, on fait comme ça. On te reprend tout à l'heure, tu pourras nous répondre là vers 7h15. Ouais, pas de problème. Bon bah à tout à l'heure poteau. Mike Perry sur Fun Radio, tout de suite The Ocean. Et dans 3 minutes le premier rendez-vous avec le journal pas en image. You can be my guiding light. Keep me company. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep in. Minutes, 7h du matin, c'est tout de suite l'heure du JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, après l'avoir rechargé pendant 18 heures, il peut utiliser son iPhone 6 pendant au moins 5 minutes. Justice dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian à Paris. Plusieurs ADN ont été retrouvés dans l'appartement où la star dormait. Et rappelons que 250 ADN différents avaient déjà été retrouvés dans Kim Kardashian. Téléphonie, à cause de ses batteries défectueuses, Samsung stoppe la production de son Galaxy Note 7, une aubaine pour ses concurrents. Ah, dans ta gueule, Samsung. Merci Siri. Fauve Auto, nouvelle jurée de Danse avec les Stars, a déclaré « Plus le challenge est gros, plus ça me plaît ». Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec Fauve Auto. Alors Fauve, challenge accepté ? Ouais, bah apparemment elle refuse. Hein. À dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les maux de gorge et les poils pubiens, prenez du sirop pour la touffe. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est important pour les gens qui découvrent Fun Radio d'avoir cette petite touche de classe. Oui. Et le sirop pour la touffe, c'est vraiment la petite touche de classe. Sac Noël avec Sean Paul Trumpets, ça arrive là sur Fun Radio. 7h10, je vais payer de la facture. On a un battle du grenier là qui en route et puis le répondeur des enfants. Les enfants répondent à cette question. C'est quoi le plus embêtant quand tu es une vieille personne? Les réponses juste après les news. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Tout doit disparaître chez Conforama. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour profiter jusqu'à moins 50% sur une sélection de meubles, déco et électroménagers. Par exemple, la banquette BZ Céline est à 199,50€ seulement. Et oui, c'est incroyable! Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Les ventes privées live, c'est pendant 3 semaines chez U, des offres incroyables, de l'inimaginable. Non. Si, si. Alors pour ne rien rater, vous avez intérêt à bien m'écouter. Ah ben je vous écoute toujours, Daniel. Et chaque jour, je vous annoncerai une nouvelle offre exceptionnelle. Ah. Et dès que vous l'entendrez, il faut foncer. Je foncerai. C'est ça. Jusqu'au 29 octobre, U vous invite à ses ventes privées live. Profitez-en avec le prospectus. Conditions et magasins U participants sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio dans moins de 3 minutes. Répondeur des enfants. On a posé aux enfants cette semaine cette question. À ton avis, c'est quoi le plus embêtant quand t'es une vieille personne? Ben, on découvre leur réponse là juste après les news. Fun Radio. Le son. Fleur. Le point sur l'actu de ce mercredi, c'est le 12 octobre. L'info en 2 minutes avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo, un temps qui restera le plus souvent ensoleillé au nord. Au sud, en revanche, les nuages seront de plus en plus nombreux au fil des heures. La pluie fera son retour ce soir et de fortes précipitations et des orages sont attendus ensuite. Il fait 0 à 5 degrés ce matin, un peu plus vers les Pyrénées et la Méditerranée. Dans l'après-midi, comptez 11 à Lille, 13 à Cherbourg, 14 degrés pour Paris, 15 à Orléans, 16 à Limoges et Lyon, 17 à Tarbes, jusqu'à 19 à Ajaccio et 20 à Perpignan. Mieux protéger les policiers, c'est la volonté du Premier ministre. Manuel Valls a annoncé hier une série de mesures pour les policiers en zone sensible. Les voitures de police vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. Les uniformes vont être rendus résistants au feu. Cela fait suite à l'agression de policiers samedi dans l'Essonne. Bonne nouvelle pour l'emploi chez Renault. Le constructeur automobile va recruter 1000 personnes en CDI d'ici à la fin de l'année. Ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres sont recherchés. Les postes s'adresseront aussi bien à des jeunes diplômés qu'à des profils expérimentés. Annulée l'an dernier à cause des attentats de Paris, la fête des Lumières à Lyon aura bien lieu cette année. L'événement sera raccourci d'un jour et se vivra du 8 au 10 décembre. Il se déroulera uniquement sur la presqu'île et non plus sur les 9 arrondissements. Le spectacle de la colline de Fourvière est lui maintenu. Samsung stoppe sa production de Galaxy Note 7. Le Sud-Coréen a décidé hier d'arrêter les frais face au fiasco de son appareil. Des batteries défectueuses qui prenaient feu ont provoqué des millions de rappels et d'échanges. Ces annonces ont été sévèrement sanctionnées en bourse où le titre Samsung a perdu 8% hier. Un adversaire de moins pour la France, Rome a décidé de retirer sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. La nouvelle maire de la ville refusait de soutenir le projet. Ce retrait laisse le champ libre à Paris, Los Angeles et Budapest. 7h03, bon réveil avec la famille Bruno dans la radio sur Fun. Mercredi, c'est le 12 octobre. C'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 7h03. Bonjour! Et bienvenue sur la première radio Dancefloor de France. Fun Radio, la radio des nouveautés. Stack Noël, Sean Paul, vous l'avez découvert chez nous. Ça arrive dans quelques secondes. Ça s'appelle Trompettes. Fun Radio, la garante du son Dancefloor. Car nous gardons tout le son Dancefloor depuis des décennies et des décennies à l'intérieur d'une grande pièce avec un monsieur en toge blanche qui nous attend. Et quand on rentre, il nous pose des questions pour pouvoir reprendre des vieux disques avec cette voix reconnaissable entre mille. Ah bon ? Vous faites un battle du grenier ! Ah, Père Foura, voilà. Ça faisait longtemps. Ben oui, ben alors Père Foura, vous occupez aussi des disques de Fun Radio ? Oui, mais bon, le Fort Boyard, c'est que l'été, donc... Et ça va pas mieux, vous, là, ben, je me fais chier, c'est pour ça. Wow. Okay. Vous avez quel âge, maintenant, Père Foura? 243 ans. Oh là là là. Ça se voit, hein. Et y a une... Je sais pas si on vous a déjà demandé, mais il y a une Madame Foura. Ah oui. Alors, on en a enterré 16. Et là, en ce moment, je suis sur un petit cul, là. Petit cul de majeur. 92 ans. Ah oui. Ah, ça va. Ah oui, c'est une petite jeune. Une chaudière. Ah oui. Et le père Foura. Bien, belle vanne, Elliot. Bon, deux titres. Voilà, je disais, Fun Radio garante des vieux sons Dancefloor. Ce matin, on fait un battle du grenier. Vous choisissez entre deux vieux titres. Alors, il y a le choix de Christina. 2005, c'est ça ? Ouais, 2005. C'est sexy en plus comme son, non ? Non, non. Donc, non, c'était pas mal, c'était pas mal. Oui. Et puis Alexandre Decan, auditeur de Fun Radio, qui en tube du grenier du haut de ses 28 ans, nous a proposé un titre de 2001, c'était ça. Moi, je mets un petit bifton sur le Starlight, je vous le dis, hein, voilà, je vous le dis en copain. Mais j'avoue que ce morceau-là, là comme ça, là, t'attaques la journée. Pour l'instant, c'est les Pussycat qui mènent. Non, ouais, c'est les auditeurs pas. Qui décident. Ah, j'aurais pas cru. Facebook.com/Bruno dans la radio, vous votez. Ou alors il y a Twitter, évidemment, pour voter aussi. Et on va écouter votre choix là dans moins de 10 minutes. À 7h10, je vais payer de la facture. L'équipe est là. Christina, bien sûr. Bonjour. Il y a Vaché. Salut. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Sur le taquet là pour aller vous livrer le kit PlayStation VR qu'on va amener chez vous aujourd'hui. Si vous tweetez avec le hashtag Bruno. Bruno, offre-moi la PlayStation VR. Et on reçoit mais vraiment des milliers de messages. Je voulais juste en lire un, c'est Benou qui dit « Moi, j'aimerais bien que vous veniez, comme ça Christina s'occupe de mes deux enfants pendant que moi, je joue à la console avec Elliot. » Nickel. Ah ouais, parce que je vous préviens, on n'est pas à l'abri de la brancher direct et tout. Hein. Ah bah oui, non mais de toute façon, il faut la brancher. À moins que la personne Christina bosse. Ou la console, vous parlez de qui là? Vous allez vivre le truc en direct sur les réseaux sociaux, on fera des lives, etc. pour vous prouver que oui, on va vraiment venir chez vous, où que vous soyez en France ou en Belgique, vous livrez le colis et l'installer chez vous, etc. Ça ne sort que demain, c'est-à-dire que vous serez vraiment le premier Français à pouvoir l'utiliser. Après, ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi à votre lycée, collège ou à votre boulot. Exactement. Et moi, j'ai une formation comme chez Darty, genre je sais brancher la PS4, on vous la branche si vous voulez. Waouh. Genre, non mais attends, t'as des... Jean-Michel, il y a un câble HDMI, une prise de courant, tu le prends pour des cons, en fait. Le mec, il a l'impression de bosser pour la NASA. Le mec, tout le monde sait brancher une PS4. Bah, si c'est une vieille de 75 ans qui gagne. Allez, 7h07. Le répondeur des enfants sur Fun Radio. Répondeur des enfants, nous avons posé cette question cette semaine. À ton avis, c'est quoi le plus embêtant quand tu es une vieille personne? Les couches. Et là, vous savez que dans ces cas-là, on demande aux enfants jusqu'à 12 ans maxi de répondre au 06 34 62 26 28. Ils ont la semaine pour le faire et on cumule. On écoute les meilleures réponses. Bonjour, c'est Maëmie. On n'arrive pas à bien voir. On n'arrive pas à faire beaucoup de choses. On a les cheveux blancs. On n'arrive pas à bien marcher. Bisous, bisous. Elle les a la complète. Ouais, c'est horrible. J'avoue. Elle leur a fait la complète. C'est pas bon de vieillir. Il y a Léni qui a laissé un message. Salut Bruno, salut toute la famille. C'est Léni. La chose la plus embêtante quand vous êtes une vieille personne, c'est que vous mangez seulement de la soupe. Salut. Léni, il me semble qu'on l'avait déjà eu au téléphone. On ne se moquera pas du fait qu'il n'y ait pas de R. Non. Hein, ah oui, c'est vrai que c'est, que c'est le même. Oui, c'est le même. Bah, prononcez pas les R. Ouais, bah, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs Léni qui prononcent pas les R, c'est que ça vient du même. Tu vois ce que je veux dire. Autre message. Bonjour la famille. Ce que je n'aimerais pas avoir quand je serai vieux, c'est avoir les poils qui poussent partout, aux oreilles, au nez, partout. Et puis le kiki qui rétrécit. Au revoir la famille. Vrai que les poils, c'est un problème. Ouais, ça c'est sûr. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas quelle est l'explication. Pourquoi les vieux ont des poils qui sortent des ongles. C'est hormonal. Ah bon? Ouais. Moi je me souviens, ouais, mon grand-père ça m'épatait. Moi à chaque fois je me disais, un jour je suis sûr que si il attend et qu'il coupe pas, un jour il y aura un singe qui va sortir du dossier. C'était une jungle. Mais moi je trouve qu'ils ont raison d'être fiers, c'est les poils de toute une vie. Ils ont poussé toute ta vie. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression que des vieux ils ont encore des cheveux, mais non, c'est les poils des oreilles qui remontent sur le crâne. Dernier message. Elles ont plus de dents, elles ne peuvent plus manger de bonbons. Elles ont des boutons. C'était Titi, merci. Elles n'ont pas de boutons, les personnes âgées. Non, en fait, tu les vois plus, de toute façon. Là. La peau, ils sont en noir et blanc, donc c'est bon. Pas difficile de voir. Vous savez quoi, il y en a deux, trois autres. Peut-être que j'en remettrai, tiens, avant 9h15. Je vous pose la question là, pour la semaine prochaine. Répondeur des enfants 06 34 62 26 28. Ton dernier petit mensonge, c'était quoi? Vous avez fait un mensonge, vous n'osez pas l'avouer à vos parents. Vous le dites sur le répondeur des enfants 06 34 62 26 28. Vous pouvez le dire à votre sœur, votre frère, votre cousin. Voilà, ils peuvent participer. Et on passera les meilleurs messages dans l'émission la semaine prochaine. Votre dernier petit mensonge, qu'est-ce que c'était? Voici Sac Noël sur Fun Radio, c'est le nouveau avec Sean Paul. Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall. When I come to France, you know I'm listening to Bruno on Fun Radio. C'est la girl with the big tic-tac, she fait gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the. Good girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Trompette à l'instant sur Fun Radio. Résultat du Battle du Grenier, là, ça arrive. Vous continuez à voter facebook.com/Bruno dans la radio. Il y a Alexandre qui propose un Battle du Grenier ce matin. Deux vieux titres qui s'affrontent. Lui veut écouter ça. Superman's Lover avec Starlight. Moi, je suis assez pour ce dos. J'avoue. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui choisis, c'est l'auditeur. Ça, c'est le choix donc d'Alex, l'auditeur de Caen, face à Christina qui a choisi ça. Pussycat Dolls. On écoute lequel dans moins d'un minute. C'est très serré, hein. Ouais. Eh ben, vous choisissez, les amis. Voilà. Et votre choix sera roi. Facebook.com/Bruno dans la radio. On l'a mis également sur Twitter. Je viens de tomber sur un article du Huffington Post. Il a fait un truc très sympa, le Huff Post. Il a demandé à ses internautes le film qui leur faisait peur petit, mais qui leur fait encore peur aujourd'hui. Et j'ai envie de vous poser cette question. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous poser la question. Cinéma ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un truc dont vous aviez peur petit, dont vous avez encore peur aujourd'hui? Je sais pas moi, allez vous balader dans la forêt tout seul, peut-être que ça vous faisait flipper petit, et qu'aujourd'hui en vieillissant c'est toujours le même délire. Mais sinon on peut parler de cinéma. Moi, il y a un film de la liste là qu'il propose, qui me faisait flipper au départ, me fait flipper toujours aujourd'hui, même si les effets spéciaux sont en bois. C'est vrai? Ouais. Moi, Les Dents de la Mer, à cause des Dents de la Mer, je ne peux pas me baigner dans un endroit où je vois pas le fond. Mais ça, oh là là. Franchement, ça a traumatisé, je pense, des milliards de personnes. Alors, ça doit être à cause de ça aussi, mais moi, j'ai une peur, et encore aujourd'hui, et j'ai 31 ans, c'est que je peux pas me baigner dans une piscine si je suis tout seul et qu'il y a personne autour. Même dans une piscine, quand je vais sous l'eau, je m'imagine qu'il y a des requins, j'ai peur, j'arrive pas à respirer. Enfin, en même temps, je suis sous l'eau, je sors de la piscine. Je peux pas me baigner tout seul, j'ai peur qu'il y ait des requins. Bah, dans des requins dans la piscine, c'est rare. Non mais je sais que c'est con, mais tu peux pas le contrôler. Je suis persuadé qu'un jour je vais me faire bouffer par un requin. C'est quoi, quand j'ai fait la première fois de ma vie de la plongée sous-marine, le mec m'a dit voilà, ouais, on s'installe, machin, nanana, et juste au moment où tu plonges à l'envers, tu vois, pour ouais. C'était mon baptême de plongeur, vraiment. Ouais. Le mec fait ah, dernière chose, si jamais un requin s'approche de nous, pour le faire partir, faut lui mettre un coup de poing sur le nez. Mmh, et le mec sûr, me pousse dans l'eau. Moi, j'ai juste fait mec, je veux pas croiser de requin, moi. Jamais de la plongée, moi, c'est impossible. C'est quoi, voilà, le film qui vous faisait peur petit aujourd'hui, c'est toujours la même chose, ou alors un truc dont vous aviez extrêmement peur quand vous étiez gamin, et cette peur, vous l'avez toujours maintenant. On va en parler ensemble là dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Bruno, allô, paye vos factures. Adorable. Elliot, c'était la douche, par exemple, je sais. Mon Dieu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me fait toujours peur. Bon, les amis, vous avez de la facture. Eh bien, j'ai de quoi payer cette facture. Et tous les jours, je le fais à 7h15 et à 8h15 sur Fun Radio. Il suffit juste de me la faire parvenir. Soit vous la scannez, vous l'envoyez par mail à facture@funradio.fr, ou bien ça marche aussi sur le site brunopayevosfactures.fr. On vous appelle en direct le matin, la facture c'est payé, c'est cadeau, c'est pour moi. On part du côté de Coulommiers. Coulommiers d'ailleurs, parce que Coulommiers c'est près de Paris, Coulommiers c'est en Haute-Garonne. Petite faute de frappe visiblement sur le standard, mais c'est bien la première fois qu'Aurèle fait une faute. Et il me regarde, genre qu'est-ce que j'ai fait encore? Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Eh ben ouais. Ouais, quand même, on peut donner le micro à Aurèle, parce que les gens, tu sais, hier on s'est moqué d'Aurélien au standard, et après on défend toujours la veuve et l'orphelin, mais moi je suis pareil, je défends toujours l'opprimé, donc les auditeurs ont pris la défense d'Aurèle en disant c'est de la persécution. Non, c'est pas de la persécution, c'était de l'humour. Aurèle, donc là par exemple, il y a écrit Coulommiers au lieu de Coulommiers, il y a une différence d'à peu près 900 km. Ouais. Et donc toi tu nous dis quoi? Eh ben je dis que je suis un passionné de fromage. Du coup, j'ai préféré. Non, qu'est-ce que t'as dit hors antenne? Tu m'as fait un signe, genre ça va, c'est pas à deux mètres. Ouais, il y a qu'un U. C'est un U. Voilà. Réécris pas l'histoire. Hors antenne, le gars me dit ça va, c'est qu'un U. Et, les gars, dis donc. Et... Bon, alors, Sarah. Oui. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie à Coulommiers? Alors, j'ai 30 ans, j'aime tout juste d'avoir 30 ans, et je suis assistante dans une association. D'accord, très bien. Tu m'as envoyé une facture de 328 euros, qu'est-ce que c'est? J'ai des billets pour aller à Venise avec mon mari le mois prochain. Ah, super. Venise. Ah, on adore Venise, si. Oh, tu parles des vrais Italiens pour le souche. Ma che. C'est magnifique. Les Penicio. Vous avez fêté quoi? C'est anniversaire de rencontre, mariage, oui. C'est quoi? Ouais, tout à fait. En fait, on s'est retrouvés il y a un an. On s'était perdu de vue pendant 20 ans. Et l'année dernière, on s'est retrouvés. Et depuis, on s'est mariés cet été. Et du coup, pour fêter ça, on part le mois prochain à Venise. Ah, excellent. Attends, excuse-moi, je me permets de t'arrêter. Vous vous êtes perdu de vue il y a 20 ans. T'en as 30. Ça veut dire que vous êtes perdu de vue quand t'avais 10 ans. Oui, on se connaissait quand on était tout petit. Ah. Nos parents étaient amis. Ouais. Et du coup, on s'est vus pendant des années. Et à partir de 10 ans, on ne s'est plus revus. Et on s'est retrouvés l'année dernière. Oh, j'adore ce genre de femme. Belle histoire. Voilà. C'est quoi, moi, c'est genre comme le film 7 ans de séduction. C'est où ils ne voient pas pendant très longtemps et après ils se retrouvent, ils sont amoureux. Moi, j'adore ce genre de phrase. Mais vous étiez sortis ensemble quand vous étiez petit ? Non. Ah, dommage. Non. Ouais, donc elle est pas si belle cette histoire. Non, j'en ferai pas un film. Sarah ? Oui ? Tes billets d'avion pour Venise, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est super, merci beaucoup. C'est très gentil et on vous enverra une petite carte de Venise. Et ben, tu sais quoi, ce sera avec plaisir. Ah, c'est donc toi la personne qui envoie encore des cartes postales ? Non, moi aussi. Ah ouais ? Vous êtes deux alors. Moi, je trouve ça super touchant. Les cartes postales, c'est des souvenirs qui restent. Ah, c'est chiant, faut mettre un timbre et tout. Sarah, je te fais des bisous, ma belle. Ben, merci beaucoup et à très bientôt. Et ça fait 3 ans que je vous écoute et c'est super tous les matins. Et ben, tu sais quoi, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, je te conseille un café sur la place de Venise, sur la place Saint-Marc. Tout à fait. Je sais plus le nom du café, mais c'est là où celui qui est à gauche, quand Ernest tu regardes en face. Hemingway, je te jure, j'ai pris un café une fois quand le mec m'a amené la note, j'ai cru qu'il me faisait une blague. Non, mais en vrai, tout coûte cher là-bas. Hein. 28 euros l'expresso, les amis. Ah bon? Ah ouais, mais comment te dire? Même à Paris, à côté, on était des tocards. Le tour de pirogue, c'est 100 euros. La pirogue, euros. Ouais, les premiers indiens de Venise, ouais. Parce qu'ils sont en pirogue, bien sûr. Bah, c'est bien connu. Et d'ailleurs, quand ils passent, t'entends, ils écoutent ça. Ils passent en pirogue dans Venise, vraiment. Par contre, je suis allé en Afrique, j'ai vu des gondoles magnifiques. Allez, Sarah, on te fait des bisous, on revient en direct sur Fun Radio après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW Feder Calvin Harris Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Jusqu'au 25 octobre, tout doit disparaître chez Conforama. Jusqu'à moins 50% en meubles, déco et électroménagers. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Jusqu'au 29 octobre chez Midas, c'est le mois de l'automobile. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mois de l'automobile ? Chez Midas, ça veut dire 25% de réduction sur le kit courroie de distribution, 25% sur l'embrayage et mieux 25% sur les plaquettes de frein. Et sur les amortisseurs ? Ne me dites pas que... 25% aussi. Ah oui, vous vous donnez à 100%. Disons qu'on fait de notre mieux. Qui dit mieux ? Dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Eh oui, ça continue encore 2 semaines. Jusqu'à demain, le raisin blanc est à seulement 1,13€ le kilo. Eh oui, vous avez bien entendu, 1,13€ le kilo de raisin blanc. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Italia, catégorie 1, origine Italie. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Bruno sur Fun Radio. C'est la rentrée. Ouh, j'ai trop contente. Bruno vous réveille. Wow, c'est trop bien. On assure. 6h-9h sur Fun Radio. 7h22, c'est Fun Radio. On a lancé un Battle du Grenier tout à l'heure. La Battle du Grenier, le principe, on réécoute un vieux titre qui passe plus sur Fun Radio. Il y a Alex qui s'est manifesté. Alexandre, 28 ans, auditeur de l'émission à Caen. Rebonjour Alex. Rebonjour tout le monde. Ton choix, c'était celui-ci. Superman Lovers 2001, Starlight. Principe de la battle du grenier, c'est que c'est une battle et donc tu es opposé à quelqu'un de l'équipe. C'est Christina qui s'est opposée à toi avec les Pussycat Dolls. Bon, alors les amis, c'est serré du slip, mais alors à un point qu'en fait, ce sont les votes sur Twitter, à mon avis, qui vont départager. Je fais vraiment ça en live, c'est-à-dire que je vais voir là le dernier pointage. Dernier pointage, on a Superman Lovers en tête de 4 votes. Putain, 944 à 940 sur Facebook. Et sur Twitter, la tendance est quasiment identique. Alexandre ? Oui. Nous allons t'envoyer une compile Bruno dans la radio, d'accord mon pote ? Merci. Car grâce à toi, nous partons ce matin en 2001. Nom de Zeus ! Oh, il fait plaisir ce titre. Grave. Superman Lovers, Starlight, 7h27. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls ? Bruno dans la radio ! Il a la classe ! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. On parlait tout à l'heure des trucs qui vous faisaient peur petit, d'accord, qui continuent à vous faire peur aujourd'hui. On va en parler vite fait là, mais on pourra en reparler avant 8h du matin. Il y a Laure, elle est à Montant, c'est une fidèle de l'émission. Laure, bonjour Laure. Coucou la famille. Coucou. Et hey, Laure, ça sort quand ? Ça sort normalement dans 18 jours. Ouais. Quand je vous dis... J'aimerais bien qu'elle sorte maintenant, j'en peux plus. Quand je vous dis qu'on est des fidèles de l'émission, c'est que Laure, elle nous suit depuis longtemps et je sais qu'elle est enceinte. Ah, j'ai vu, Laure. J'ai vu qu'elle avait posté des photos, on était en border ouverture de col. Alors pépette, on suit sur Twitter, on suit sur Twitter en attendant sa tête. Ouais. Bon alors ma chérie. Félicitations Vaché. Merci. C'est quoi le truc qui te faisait peur quand t'étais petite et aujourd'hui toujours? Moi c'est les grandes poupées. J'ai toujours l'impression qu'elles m'observent en fait. Ouais. Ouais. Alors moi tu sais c'est les poupées et les poupées de tu sais les vieilles poupées de en porcelaine, en porcelaine. De vent... ouais, voilà, ouais, ouais et de ventriloque c'est qu'on ouais. juste la bouche qui ah, bouge oui. Mais ça, oui. c'est les films comme Chucky qu'on fait ouais, du mal ah ben ça, à ça. C'est-à-dire que ça, c'est dans une pièce, tu me fais pas dormir ouais. dedans. T'as peur de Jeff Panaclock? Non, Jean-Marc, c'est pas ouais. pareil. Tu vois, j'ai bois de flip. Il a qu'un pendant son spectacle qui faisait ah c'était Bruno. Laure, on te fait des bisous. Bon courage pour l'accouchement. Bisous, merci. Bisous, ma chérie. Il y a d'autres messages là qui arrivent. On peut en reparler tout à l'heure. Voilà les trucs qui vous faisaient flipper quand vous étiez petit, qui vous font flipper encore aujourd'hui. Voir les films, ça marche aussi pour les films. Richard Orlinski, ça arrive. Et puis Arnaud qui veut demander à sa mère de lui laisser faire un tatouage dans la chanson du jour. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Galerie Lafayette. Bonjour, c'est Garance Doré. Du 12 au 23 octobre, c'est les 3J des Galeries Lafayette et on peut y trouver toutes mes pièces préférées de la saison jusqu'à moins 50%. J'adore. Et ça marche aussi sur galerielafayette.com. Alors, foncez. Du 12 au 23 octobre, les 3J des Galeries Lafayette, c'est jusqu'à moins 50% sur une sélection mode signalée en magasin. Le covoiturage et la colocation, c'est sympa, hein, mais c'est pas clair. Bah pourquoi ? Alors, en covoiturage, si tu laisses le volant parce que t'es fatigué, est-ce que t'es assuré ? Vous avez remarqué comme certaines choses qui paraissent évidentes cachent parfois des questions moins évidentes. Et pour la colocation, t'es couvert comment ? Bah... Oui bah, tu vois, c'est pas clair. Avec les assurances du Crédit Agricole, les conducteurs occasionnels, tout comme les colocataires, sont d'emblée protégés par nos offres, sans démarche et sans frais additionnels. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. Carrefour. Maman, dimanche, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, et nous, c'est tous les jours qu'on doit agir. Comment ça ? Bah, tu sais, quand on dit « Zoé, jette pas tes pâtes, tu veux en faire un gratin ?» Tristan, dans le frigo, tu mets bien les nouveaux yaourts derrière et ceux qui sont bientôt périmés devant. Ah, d'accord. Tous ces petits gestes additionnés, ça fait de grosses économies. Carrefour aussi s'engage contre le gaspillage. Partenaire de plus de 1000 associations de l'aide alimentaire, Carrefour est le premier donateur privé des banques alimentaires en France. Alors ensemble, mobilisons-nous et retrouvons les gestes pour consommer malin sur carrefour.fr. Carrefour. Blablacar, blablacar. Bonjour, vous êtes Lisa qui va à Lille ? Oui, et vous c'est Carole. Exactement. Ravie de faire votre connaissance. Bon bah moi aussi j'espère que ça va s'arranger avec votre fille. Ah non mais je vais écouter vos conseils, hein. Je suis sûre que ça va aller. Bon allez, courage Carole. Oui, au revoir. Au revoir. Un trajet est plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, voyagez à plusieurs. Proposez vos places libres en covoiturage. C'est plus d'économies et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. Bougez pas, Bruno. C'est ouf parce que dans la chanson du jour de ce matin, Arnaud il a 20 ans. Et il veut s'appeler ouais. Il veut appeler sa mère, il veut lui demander à sa mère de lui laisser faire un tatouage, mais à 20 ans. C'est ce que tu veux. Tu demandes plus à ta mère normalement. Ça dépend, dans des familles, c'est le cas. Bon bah écoute, on va voir avec lui là et puis surtout avec elle, chanson du jour après les infos. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce mercredi matin, c'est le 12 octobre et c'est Max Poulaouec pour les infos. Salut mon Maxime. Salut Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. Ouais, il fait froid aujourd'hui. On est très froid, 0 à 5 degrés si vous êtes sur la moitié nord. C'est un peu plus doux au bord de la Méditerranée, une dizaine de degrés ce matin. Mais le temps va se couvrir au fil des heures dans la moitié sud avec le retour de la pluie en soirée. De fortes précipitations au cours de la nuit prochaine. Au nord en revanche, encore un ciel plutôt ensoleillé. Les températures de l'après-midi, 11 à 15 degrés jusqu'à 20 pour les villes. villes les plus au sud. Salah Abdeslam, lâché par ses avocats Franck Berton et Sven Marie, annonce ce matin leur retrait de la défense du suspect clé des attentats de Paris du 13 novembre. Les deux hommes ont la conviction qu'il ne s'exprimera pas et qu'il appliquera le droit au silence. Ils ont l'impression de ne faire que des visites sociales en prison. Après l'attaque de policiers dans l'Essonne, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé hier plusieurs mesures pour assurer la sécurité des forces de l'ordre dans les zones sensibles. Les voitures de police vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. Les uniformes vont être rendus résistants au feu. Les patrons ne pourront plus vous protéger. L'Assemblée nationale doit voter aujourd'hui un projet de loi qui obligera les entreprises à donner le nom des salariés flashés au volant. Le gouvernement veut ainsi en finir avec la logique du conducteur fantôme. Tous les ans, 2 millions de points ne sont pas retirés pour non-dénonciation de l'infraction par les patrons. En football, les espoirs de l'équipe de France ne confirment pas pour la 6e fois de suite. Ils ne se sont pas qualifiés pour l'Euro de la catégorie. Les Bleus ont battu hier soir l'Irlande du Nord 3-0, mais terminent 3e de leur poule. C'est insuffisant. Et puis, nouveauté de Sony, le PSVR sort demain en magasin. C'est le casque de réalité virtuelle qui propose des sensations uniques aux joueurs de PlayStation 4. Aujourd'hui, vous pouvez gagner le PSVR sur Fun Radio et vous le faire livrer chez vous par Christina et Elliot. Écoutez bien Bruno dans la radio toute la matinée. 7h34, ça continue avec la chanson du jour dans un instant. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Merci d'être là la famille, c'est mercredi, c'est le 12 octobre. Vous êtes là pour la première fois, vous arrivez sur Fun Radio, soyez les bienvenus les amis. Vous êtes sur le premier Morning Dance Floor de France, la radio qui vous a fait découvrir Richard Orlinski. Ça va arriver là dans la demi-heure, on vous passera également Sia avec Kendrick Lamar, le son de The Greatest. Et puis ça. Parce que moi j'aime bien les sons qui tapent. Et le matin, Fun Radio, c'est fait pour vous réveiller. Fun Radio, comme toutes les autres radios, vous offre des beaux cadeaux. Mais nous essayons à chaque fois de rajouter la petite cerise sur le gâteau du kiff. Et la petite cerise aujourd'hui, bah, elle vaut 1210 €. On est sur de la belle cerise quand même, excusez-moi de vous le dire. Demain sort, et c'est l'événement puisque c'est avec Fun Radio, le tout nouveau kit PlayStation VR. V comme virtual, R comme reality. C'est le casque de réalité virtuelle de chez Sony PlayStation. Il sort demain, indisponible avant. Demain, vous allez pouvoir aller l'acheter. Nous, on vous l'offre depuis lundi. Mais alors, on va faire plus fort que les autres. C'est que ce matin, on vous l'offre, d'accord ? On va le gagner dans le jeu des 30 secondes et on vous l'offre via les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Vous utilisez le hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. À 9h du matin, on va choisir un auditeur ou une auditrice via ce hashtag. On va le contacter en inbox, on va demander un numéro de téléphone, on va vous appeler en direct. Si c'est vous, vous allez nous donner votre adresse. Et à la fin de l'émission, Elliot et Christina prendront le train ou l'avion, où que vous soyez en France ou en Belgique, ouais, et viendront vous livrer eux-mêmes le kit complet avec les 11 jeux qui vont avec. 1210 € les amis, il y a la PS4, le casque, la caméra, la paire de manettes, tout est dedans le pack. On l'emmène chez vous, on l'installe, tout ça en live sur les réseaux sociaux. Et donc vous serez le premier français ou la première française ou le premier belge ou la première belge à utiliser ce truc qui ne sort que demain pour le monde entier. La seule condition pour que Christina vienne chez vous, c'est qu'il y ait un salon de coiffure à moins de 200 mètres. Vu qu'elle change quoi. De coiffure tous les deux jours, voilà, qu'elle soit pas perturbée. Non, mais depuis ce matin, on reçoit plein de messages. J'en lis juste un au hasard. Manu Salvi qui dit venez, comme ça, on fera un petit thé entre filles avec Christina. Et pour Elliot, il pourra prendre une douche à la maison. Bah, nickel. Allez, moi, je préfère les bains, mais bon. Allez, les amis, vous tweetez avec le hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. Ça marche sur Instagram et sur Facebook. On a comme un petit problème. Oh. Le mercredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mercredi. Faites sonner le clairon pour Arnaud. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou. Salut. 20 ans, t'es à Perpignan, ta maman s'appelle Colette. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Tu demandes, ou plutôt tu veux que l'on demande à ta mère qu'elle te laisse faire un tatouage. C'est bien ça? Voilà, c'est alors, toute l'histoire, voilà. Tu vis toujours chez tes parents, c'est ça? Ouais, voilà, toujours. D'accord. Et donc, mais ce que je comprends pas, c'est quoi le délire? Enfin, en même temps, je comprends pas et je comprends. Parce que moi, mon premier tatouage, je l'ai fait, j'avais 42 ans et ma mère m'a engueulé. Donc, je comprends. Mais tu lui en as parlé déjà ou pas? Ah oui, ça fait 2 ans que je la refais avec ça. Et elle te dit quoi? Elle est à fond contre tatouage, et comme sa mère était pareil qu'elle, c'est compliqué de la faire changer. Mais si jamais tu le faisais? Ouais. Ah, elle m'a dit qu'elle me dirait de la maison. Ah mais ah, vraiment, oui, premier degré hein. Ah oui, ouais. Je pense, oui. Elle est à fond contre, ah oui. Ah oui, c'est chaud quand même. Ah bah, et je t'explique, la mère Guillon, Claudette, hein, c'est un peu ouais. La mère tape dure. Moi, je lui faisais ça, me foutait dehors. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, déjà, je peux te dire, la première fois que j'ai mis du gel, je me suis pris une gifle. Donc, Mettre du gel, ça faisait pink. Oh là. Moi, j'ai un papa aussi qui est pas mal, parce que moi, quand j'avais 15 ans, il m'a dit, si un jour, de toute façon, tu te fais tatouer, je te fous dehors. Ouais. Et il m'a dit, regarde ton oncle, parce que c'est vrai que j'ai un oncle qui a un problème à une oreille. Ouais. Il m'a dit, ton oncle, un jour, il est rentré avec un piercing, et je lui avais dit, non, pas de piercing. Ouais. Donc il est rentré avec un piercing et mon père lui a arraché. Voilà. Mais non, vous auriez dû venir chez les guillotons, c'était beaucoup plus cool. Hein. Ouais. Pareil, moi, un jour, mon père il m'a dit, écoute, si un jour tu veux fumer du shit, demande-moi avant, comme ça je suis sûr que tu fumeras pas de la merde. Vous voyez la différence entre nos deux familles? Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, Arnaud, on est de ta team avec Vaché, on comprend. Ta mère en attente au téléphone, on lui fait la chanson, on essaye de la faire changer d'avis, puis après, ce sera à toi de lui parler, d'accord? Ok, pas de soucis. Bonjour Colette. Bonjour. Salut. Colette, bienvenue sur Fun Radio. Je m'appelle Bruno Guillon. D'accord. Et si vous êtes là Colette ce matin, c'est que j'ai un message pour vous. Oui. C'est une chanson. Alors il va falloir que vous écoutiez les paroles parce que ça a été écrit exprès pour vous. C'est un message de la part d'Arnaud. Ok. Vous voyez qui est Arnaud? Ah oui, tout à fait, c'est mon fils. Très bien, c'est lui. Eh bien, on parle du même. Ah oui. Vous écoutez les paroles, on en parle après? Allez, d'accord. Et c'est parti, Colette, t'es en route. Maman, je rêve de me faire un tatouage. Je crois avoir le droit de faire ce que je veux à mon âge. Maman, je te demande juste par principe. Alors fais pas ta tête de pipe. Me dis pas que tu vas plus me parler si je décide de me faire tatouer. Y'a plus grave dans la vie sans déconner. Je t'annonce pas que je deal du shit ou que je fume du crack avec une pipe et qu'une photo de Zaz me file la trique. Alors maman, je pourrais toujours le cacher. Maman, au pire je me le ferais limer. Maman, si t'aimes ton fils adoré. Maman, laisse-moi me faire tatouer. Maman. N'est pas Calvin Harris qui veut. Colette. Oui. C'est quoi ton délire? Colette, je me permets de te tutoyer parce qu'on a quasiment le même âge, à quelques années près. Colette, c'est quoi ton blocage avec les tatouages? C'est pas mon truc du tout. D'accord, ça, je comprends bien. Mais là, Oui. Mais toi, on te demande pas d'en faire un, c'est ton fils qui veut en faire un. Ben justement, quand c'est votre fils, c'est d'autant plus difficile quand c'est pas votre truc. Ouais. Voilà. Mais je comprends bien, mais si. Je veux pas qu'il fasse une bêtise et qu'il regrette plus tard, voilà. Mais peut-être qu'il est sûr de son choix et qu'il regrettera pas. Oui, voilà. Mais bon, personnellement, moi, les tatouages, ça n'a jamais été mon truc et c'est pas peut-être de ma génération, mais voilà. Moi, je trouve que les tatouages, quand on vieillit, ça perd son. Voilà. Jeune, c'est joli. Mais bon, à 50 ans, voilà. Colette. Donc, Colette, t'as 50 ans, j'en ai 45. Oui. Je suis tatoué. Oui, mais je vous vois pas, alors je peux pas. Eh bah, mais ça va, ça vieillit pas trop mal. Colette, mon père, il a 63 ans, il est tatoué et ça vieillit très très bien, ça lui va très bien. Oui, mais bon, après, voilà. Après, moi j'ai peur que, parce qu'on vous dit que le tatouage c'est 1, c'est 2, c'est 3, après on s'arrête plus. Non, ça, bon. C'est pareil. Ça, voilà. Et Colette, attention, là on va se disputer. Il faut savoir que les tatouages, pour moi, en fait, il suffit qu'ils aient juste une vraie signification. Si tu fais un truc qui est hyper important pour toi, tu le regretteras jamais. Après, bon, après... c'est juste un truc décoratif. Oui, c'est là où je ne suis pas persuadé que ce soit une vraie signification pour lui, voilà. Arnaud, c'est quoi la signification de ton tatouage? Monsieur Arnaud est en direct, hein, Colette, avec nous. Ah, d'accord, en plus. Parce que là, bon, il est censé bosser normalement, non? Oh là là, la maman relou. Parce que, au-delà de tout ça, Colette, on est sur du tatouage qui prend tout l'épaule, qui descend jusqu'au coude quasiment. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est pas le petit papillon en coin de. Voilà. Bah, heureusement, parce qu'un mec avec un petit papillon, il est pas non plus super respecté. Bon, Colette, si jamais il le fait, vraiment, tu le fous pas dehors, c'est une vanne. Ah, je suis capable, ça dépend. Oh, Colette, coucou! Au moins, il est en bonne santé, t'as un fils génial. Non, mais en plus, je lui ai pas dit non, je lui ai dit laisse-moi jusqu'à Noël le temps que ça fasse. Ça, il nous avait pas dit. Bah, Arnaud! On me l'a dit hier. Arnaud, bon, ça va, tu peux patienter jusqu'à Noël, ça va, c'est 2 mois. Oui, patienter, oui. Bon, bah alors tu sais quoi, et on revient vers toi à Noël, Colette, d'ailleurs, d'accord? N'avait pas de problème, on et fait bah, comme ça. Colette, allez, je t'aime. Je la trouve cool, Colette. Moi aussi. Arnaud. Oui. Oh oui, elle est sympa. Tu l'auras à l'usure. On va essayer. Je te fais des bisous, mon pote. Et d'ailleurs, vous savez que vous m'avez offert un tatouage il y a 2 ans. Ça y est, le rendez-vous est pris. C'est le 4 novembre. Il y a 2 ans. C'est ça qui cloche dans ta phrase. Oui, mais parce que j'ai pas eu le temps avant. Il a pris le temps. Je voulais savoir exactement ce que je voulais. D'accord. Richard Orlinski et WW, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. On revient après ça, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bon, il y a une fuite dans le mur. Le mur est trempé, hein, et ça coule sur le plafond. Le plafond de la cuisine. Vous avez remarqué comme des situations simples, même très simples, sont parfois très difficiles à décrire. Non, parce que ça s'accumule sous la machine, la machine à laver. Avec l'application Pacifica du Crédit Agricole, déclarez un sinistre en toute simplicité sur votre téléphone et ajoutez des photos si besoin. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Application proposée par Pacifica, conditions d'utilisation disponibles sur l'application. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. I love you, Fun Radio. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio, Fun Radio. C'est ça. Le son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Mercredi, c'est le 12 octobre, c'est Fun Radio, 7h48. Dans quelques secondes, il y aura Richard Orlinski avec Eva Simons. Il y aura WW avec Hardwell. Mais pour l'instant, au 32-28, je voudrais qu'on accueille Jérémy, qui va être notre loser du jour, j'ai l'impression. Bonjour Jérémy, est-ce qu'on l'appelle en direct ou pas? Est-ce qu'on peut l'appeler en direct ou pas, notre Jérémy? Il y a un petit souci, parce qu'aujourd'hui, on offre une PS4, et lui a une galère par rapport à sa PS4. On offre la PS4 avec le casque virtuel, d'accord? Et on vous l'offre ce matin, on va la livrer chez vous. Et donc, Jérémy, c'est notre loser du jour, parce que lui, il s'est acheté une PS4... Mais il a une tannée. Bonjour Jérémy. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Bonjour. Jérémy, ouais. Ta tannée, c'est que t'as acheté une PS4 parce que tu fais des déplacements. Ouais. Et alors, c'est quoi le souci? Alors, en fait, bon, il y a eu deux soucis avec cette PS4. C'est que le Papa Noël me l'a offerte. Ouais. Et le Papa Noël, il a pas fait attention que c'était que de l'HDMI. J'ai toujours une télé cathodique. Oh non. Oh non. Et la deuxième tannée, donc là, bah, je suis actuellement en déplacement, donc je l'ai emmené. Je me suis dit, je vais pouvoir jouer un petit peu, je vais me faire plaisir. Et la télé de l'hôtel, elle est collée au mur. L'HDMI est quasiment inaccessible, donc je peux pas jouer non plus. Ah, ça m'est arrivé. Ça. Et pour ceux qui s'inscrivent là, avec le hashtag Bruno offre-moi la PlayStation VR. Vérifiez que vous avez une prise HDMI au cul de la télé, sinon vous êtes dans la merde. Après, il y a le c'est un peu triste, mais on peut acheter l'accessoire Péritel HDMI. Ça sort en HDMI, ça rentre en Péritel. C'est 5,90€ à la Fnac. Vaut mieux acheter une PlayStation 2 sur le bon. J'avoue, ça sert à rien. À la tristesse donc, d'avoir une PS4 et acheter une Péritel. Jérém, mais tu es en train de me dire en fait que tu t'es barré en déplacement et que tu t'es fait chier à amener ta PS4 pour au final te rendre compte que tu peux pas t'en servir. C'est ça. Okay. C'est un peu la loose. À l'hôtel, pose tes coronets, hein, tu enlèves la télé du mur, il suffit de la soulever, tu me l'enlèves du socle là, et hop, tu branches ton câble et tu la mets en comment ça s'appelle quand ça bouge un peu et pas trop. En gros, il arrache la télé. En équilibre, en équilibre, voilà. C'est ça. Oh putain. J'ai monté la moitié de l'hôtel, ça. Ouais, bah écoute, et tu dis que c'est de notre part. Tu vas dans la chambre d'à côté, tu fais un trou dans le mur. C'est ça, et tu passes par derrière. Voilà, c'est bon. Jérémy, on t'embrasse, mon pote. Ça marche, merci. Bisous, mon chou. Bisous. Mais ça, tu sais que quand t'es grand, là, ce qu'il a vécu, Jérémy, c'est le même délire que quand t'es gamin, d'accord? Et que tu reçois genre un robot, un truc de ouf, et qu'il n'y a pas les piles. Ah, ouais, sûr, mais franchement, dans les magasins de jouets, ils les proposent, tu vois, maintenant avec. Et si vraiment tu les prends pas, c'est que t'es radin ou non, t'en as rien à faire. Non, pas que t'es radin, c'est que chez Toys R Us, déjà, ils te vendent pas des paquets de 4 piles, c'est des paquets de 143 piles. Donc, oui, tu vois, toi, t'en bon. Veux. Tu dis, excusez-moi, je peux en prendre que 4 sur les 143. Ils te disent non, d'accord. Et puis, de deux, c'est qu'ils les vendent le prix d'une station thermonucléaire, quoi, tu vois. Je veux pas être radin, mais enfin, quand même. Et sinon, tu peux aller dans les magasins comme La Foire Fouille ou quoi, tu prends des piles de sous-marques qui sont géniales, tu les payes que tu changes 4 fois de chaîne et tu peux plus. Il faut les changer. Non mais ça, est-ce que vous avez pas eu ce truc, c'est le cadeau dont t'as toujours rêvé? Moi je me souviens à Noël, j'avais reçu du Père Noël le robot de D2R2 de Star Wars. Et là tu te dis putain super, c'est le soir de Noël, il y a toute la famille à la maison, tes oncles, tes tantes, tu sais que toi t'as 8 ans, tu vas te faire chier toute la soirée, mais heureusement on t'a offert le D2R2 Star Wars et tu sais que tu vas pouvoir jouer toute la soirée avec. Tu l'ouvres et là y a pas de pile. C'est horrible. Et donc tu le regardes, il est posé à côté de la table et t'as tes parents qui mangent des huîtres, qui boivent du muscadet, qui sont à moitié bourlards en mode qui rigolent. Et toi ton putain de D2R2 il bouge pas. Et t'as beau le pousser avec ton doigt, il fait crzz. Mais il bouge pas. Et le pire des trucs, c'est que le lendemain c'est férié. Mais bien sûr. Il faut attendre au moins horrible. Deux jours. Y a pas de pile horrible. Le lendemain. Y a pas de pile. Ça. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais le tour de toutes tes piles de la maison, t'ouvres toutes tes caches de télécommande, tu prends les piles, mais du coup, tu perds le cache, et qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec une télécommande avec du scotch à l'arrière. Et encore, non, puisque moi, je suis tellement vieux, Elliot, qu'il n'y avait pas de télécommande. Oh, tu faisais quoi? Tu changeais de chaîne? T'envoyais un pigeon voyageur, changeur de chaîne. Non, mais tu sais, je le faisais avec un morceau de bois, je me souviens, pour pas avoir à me lever. Oh là là là. Oh putain! Oh là là. Richard Orlinski et Eva Simon. This is Ava Simmons with Bruno on Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear. tu sais quoi, je pense aux nouveaux auditeurs de Fun Radio qui arrivent peut-être pour la première fois ce matin, qui viennent de découvrir l'émission, qui se disent putain mais en fait c'est bien cette émission. Et puis d'un seul coup arrive le JPI. Et là, patatras, tout s'écroule. JPI, journal pour en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Il attend 12 ans, 6 mois, 17 jours, 5 heures, 8 minutes et 9 secondes que son espresso finisse de couler. Euromillions, hier, un joueur en Europe a coché les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles, remportant ainsi la somme exceptionnelle de 168 085 323 euros précisément. Bon, à ce stade-là, hein, je pense que les 85 323 euros, le mec s'en fout. Hein. Je veux bien les prendre. Terrorisme, c'est l'info du jour. Le terroriste Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Bah, c'est chiant s'il comptait faire du guacamole. Oh là. Et voilà. Une étude qui vient de paraître révèle que les 8-16 ans passent en moyenne 1h15 par jour devant l'écran de leur smartphone. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec mon fils Pierrot, 12 ans. Ça fait 3 heures qu'il regarde le téléphone. Non mais à son âge, c'est très dangereux pour les yeux et le cerveau, Anthony. Ah non mais c'est un téléphone fixe à cadran de 1994. Ah bon bah ça va, il est en bonne santé, mais il doit bien se faire chier par contre. Hein. Et pour finir, si vous aimez les acteurs américains et les abeilles, découvrez Miel Gibson. Hey et voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Je veux pas être le champ de service, mais Mel Gibson, il me semble qu'il est australien d'origine. Non, il est américain, on l'a vérifié, on l'a bossé, quoi. Ok. Remonte sur son arbre généalogique, à mon avis, il y a un australien. WW sur Fun Radio. On parlait tout à l'heure des films qui nous faisaient peur petits, qui continuent à nous faire peur aujourd'hui, ou alors des choses qui nous faisaient peur quand on était petit, et on est toujours très flippés aujourd'hui. Vous avez été nombreux à réagir là, au 32-28, on va en parler en direct sur Fun Radio, juste après les news, à tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7 ? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Technow égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. Le mois de l'automobile chez Midas, c'est moins 25% sur le kit courroie de distribution jusqu'au 29 octobre. C'est bien, mais moi j'ai besoin de plaquettes de frein. Chez Midas, c'est aussi moins 25% sur les plaquettes de frein. Ah, mieux. Mais moi, en fait, c'est plutôt les amortisseurs. Moins 25% aussi sur les amortisseurs. Et sur l'embrayage? Moins 25%. Alors? Alors là, vous pouviez pas faire mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Bougez pas, Bruno. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio, je paye de la facture. Et vous savez quoi? Je vais le refaire là dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Maxime Poulaouec pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce mercredi 12 octobre, du bleu au nord, du gris au sud. Les nuages seront de plus en plus nombreux au fil des heures. La pluie qui fera son retour en soirée près de la Méditerranée, de fortes pluies et des orages au cours de la nuit prochaine. Soyez prudents, il fait froid ce matin, 0 à 5 degrés, un peu plus près des Pyrénées et de la Grande Bleue. Dans l'après-midi, comptez seulement 11 à Lille, 13 à Cherbourg, 14 degrés pour Paris et Aurillac, 15 à Angers et Lyon, 17 à Tarbes, 20 degrés à Perpignan. C'est terminé entre Salah Abdeslam et ses avocats. Franck Berton et Sven Marie annoncent ce matin leur refus de continuer à défendre le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris. Les deux hommes ont la conviction qu'il ne s'exprimera pas et qu'il appliquera le droit au silence. Il qualifie son refus de parler par un suicide. Manuel Valls veut renforcer les équipements des policiers. Le Premier ministre a annoncé hier plusieurs mesures après l'attaque subie par les forces de l'ordre dans l'Essonne samedi dernier. Les voitures de police vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. Les uniformes vont être rendus résistants au feu. Opération recrutement chez Renault. Le constructeur automobile a annoncé hier le recrutement de 1000 personnes supplémentaires en CDI en France d'ici à la fin 2016, confirmant la reprise des embauches engagées en 2015. Le nouveau personnel sera affecté dans les usines et dans les métiers de l'ingénierie. Samsung stoppe sa production de Galaxy Note 7. Le Sud-Coréen a décidé hier d'arrêter les frais face au fiasco de son appareil. Certaines batteries prenaient feu. Ces annonces ont été sévèrement sanctionnées en bourse où le titre Samsung a perdu 8% hier. En rugby, c'est l'heure des explications. Trois joueurs du Racing 92 sont convoqués aujourd'hui devant la commission de lutte contre le dopage de la Fédération française. Rokossoko, Carter et Imhoff devront expliquer pourquoi des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans leur urine le soir de la finale du top 14. 8h03, vous êtes sur Fun Radio, c'est Bruno, jusqu'à 9h. Bruno on Fun Radio. Mercredi, c'est le 12 octobre. Vous écoutez Fun Radio, il est 8h04. J'ai envie de vous dire bonjour. Bonjour! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. C'est la radio où agit, où sévit Nicole Pervers. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien, j'ai chaud. Nicole Pervers, on l'a accueilli chez nous, voilà, parce que personne n'en voulait ailleurs et il chante dans l'émission surtout du soprano et il passe de temps en temps parce qu'on n'a pas le droit de le laisser sortir dans la rue, il est en correctionnel. Ça va, Nico? Bonjour. Bonjour Nicole. Oh là là. En fait, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui vit dans un corps. Ouais. Dans le corps de Vacher, je crois, il s'appelle. Ouais. Il est jamais là quand je suis là. Mais en fait, du coup, à travers moi, il a eu un bébé. Ouais. Et je suis hyper content. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sors avec un bébé, les meufs, elles viennent te parler. Ah, ouf. Et donc, en fait, je vais prendre le bébé cette nuit, j'ai prévu. Ouais. Pendant que Vacher, il dort. Ouais. Je vais aller dans les parcs. Ouais. Et je vais le sortir, je vais regarder mon bébé dès que les meufs vont s'approcher. Hop, je jette le bébé dans une poubelle et je ken. Après, voilà. Je rattrape le bébé. Je le passe sous l'eau, je remets dans le lit et le Vacher, il voit rien. Je le passe sous l'eau. Quelle horreur. Merci beaucoup, Nico. Voilà. Vous comprenez pourquoi il n'est que sur Fun Radio. Faut et que je change de slip. Il n'a pas été accepté ailleurs. Christina, ça va bien? Ouais, ça va super. Bonjour. Il y a Vacher qui est là ce matin. Bonjour, ça va? Excusez-moi, j'ai un peu mal à la tête. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que j'ai fait un malaise. Non, non, tout va bien. Ça tout, va okay. là. Après, bon, je t'expliquerai un jour. D'accord. Elliot, ça va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Elliot, il est en train de se saucer là sur Twitter depuis tout à l'heure. Alors attention, avec le hashtag Brulo, offre-moi la PlayStation VR. Je rappelle ce qui va se passer. On va venir chez vous là dans la journée, train ou avion. On vient directement vous livrer le kit complet chez vous. Si vous tweetez, Facebookez ou Instagrammez avec ce hashtag Brulo, offre-moi la PlayStation VR. Arrêtez de vouloir appâter Elliot avec de la nourriture. Arrête. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est trop bien. Et c'est la famille. Ils nous connaissent trop bien. Alors, entre le vin et le McDo et les propositions de super bouffe, moi, je kiffe. Du coup, depuis que t'as parlé de coiffeur, tout le monde me dit qu'il a un coiffeur à côté de chez lui ou même à domicile. Et alors, je voudrais quand même saluer aussi Gorben Dallas qui dit même si je gagne pas, ça me ferait plaisir que Elliot et Christina viennent boire le café à la maison. Je trouve ça trop mignon. Mais on va faire ça tout à l'heure. Nickel. À la fin de l'émission, on choisit l'un ou l'une d'entre vous via ce hashtag. Et à la fin de l'émission, donc bah, le temps de voir pour les billets de train. C'est pour ça qu'on va peut-être le faire, le tirage au sort vers 9h10 pour checker, le temps de choper le numéro de l'auditeur en inbox, le temps de l'appeler, puis de checker l'avion, le train, etc. Mais en tout cas, dans la journée, ils arrivent chez vous et ils vous installent le matos. C'est derrière moi. Si vous mettez l'émission avec le streaming vidéo funradio.fr, vous voyez derrière moi, il y a le kit complet, il y a la PlayStation 4, il y a le casque de réalité virtuelle, il y a la petite caméra, il y a les PlayStation Move, sont les télécommandes qu'on utilise avec le casque de réalité virtuelle et un pack avec 11 jeux à l'intérieur. Ça vaut 1210 €. Donc, il y en a un qui se gagne via les réseaux sociaux et l'autre, 32-28, jeu des 30 secondes, ça va arriver tout à l'heure, 8h30. 8h30, nouveau départ pour le jeu des 30 secondes. Hier, je suis passé à deux doigts des 5 victoires d'affilée. J'ai fait match nul. Je suis énervé. Je peux vous dire que je suis énervé. Enfin bref. On a parlé ce matin des trucs qui nous faisaient peur quand on était petit. Quand on était petit, des films. On est en... Ah, oh Dieu. Et dans le top, c'est le Huffington Post qui a mis ça. Dans le top du top, il y avait Les Dents de la Mer. Je disais que moi, Les Dents de la Mer, c'est un film petit, ça me faisait peur. Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à me baigner dans une mer où je vois pas le fond. J'ai peur des requins. Et je disais, voilà, quel est le truc qui vous faisait peur petit, qui continue à vous faire peur aujourd'hui? Oui, Vaché. Moi, je disais que c'était pareil, c'était les requins, mais c'est vrai que pourtant, quand tu regardes Les Dents de la Mer, ça continue à faire peur, mais tu vois qu'avec les effets spéciaux de l'époque, c'est-à-dire que c'est un requin en polystyrène qui vient taper contre le bateau, avec du faux son, du faux sang trop mal fait. Ouais, mais quand même peur. C'est un délire, moi, ça m'a marqué. Oui, Elliot. Alors, moi, vous allez vous foutre de ma gueule, mais le film. Oh, franchement, non. On l'a jamais fait. Ouais, j'avoue. Alors, ça fait 4 ans qu'on te respecte. Mec, il est fou celui-là ou quoi? J'avoue, alors bon, bah, essayez de pas rire. Non, mais le film qui me fait peur, moi, c'est. Ah, ça, pas rire, ça, par contre, ça nous arrive souvent. C'est le Roi Lion. Le Roi Lion. Ouais. Ça m'a toujours fait flipper parce que quand j'étais petit, et à un moment, apparemment, il y a quelqu'un qui meurt. Je l'ai jamais vu. Il y a quelqu'un, il meurt et il se fait écraser par un troupeau de je sais pas quoi. Mais comment tu peux. Toi, tu racontes bien les histoires. J'ai hâte que t'aies des enfants. Hein. Ouais. Alors, quand tu vas raconter des histoires, ça va être génial. Alors, eh bien, il y a le petit lion. Et le petit lion, il meurt en se faisant écraser par un troupeau de je sais pas quoi. Et le petit lion, il marchait je ne sais où, avec je sais pas qui. C'est pas le petit en plus qui meurt, c'est son père. Ah ouais, bah voilà. Et donc. Du coup, ça me faisait peur. Et maintenant, tout le monde me dit que ça fait pleurer. Alors, j'ai pas envie de le regarder parce que je suis émotif. D'accord. Du coup, il n'y a pas de souci, Elliot. Donc, voilà. Tiens, on a posé la question au 32-28. Laura, elle est à Figeac, dans le 46. Bonjour, Laura. Bonjour. Est-ce qu'il y a un truc qui te faisait peur petite et aujourd'hui, tu flippes encore? Ouais, c'est des sangliers. Ah, parce que t'as vu, il y avait un film d'horreur dans les années 80 qui s'appelait Razorback, avec un sanglier qui tuait des gens. C'est ça, je suis sûr que c'est ça. Ah non, mais moi c'est pas ça du tout, non, c'est pire. C'est quoi? Moi, c'est Astérix, c'est les dessins animés Astérix. Ah oui, bah, ils font pas peur méchants. Les sangliers dans Astérix? Non, mais ils ont des petites cornes là sur les côtés, j'aime pas ça du tout. Ouais, les défenses. Et non, c'est parti de là, et au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible quoi. Non, je peux comprendre. J'arrive à courir de 400 mètres en quelques secondes. Hein. D'accord. J'ai peur des sangliers. Bon, nous, je t'avoue, c'est l'avantage à Paris, c'est qu'on n'en croise pas souvent des sangliers. À part en boîte, à 4h du matin. C'est horrible. On les ramène quand on n'a vraiment pas le choix. Bon. On te fait des bisous, Laura. Anne-Laure, elle est à Luisan, c'est dans le 28. Bonjour, Anne-Laure. Oui, bonjour, Camille. Coucou. Anne-Laure, c'est quoi le truc qui te faisait peur petit et qui te refait peur aujourd'hui? Moi, c'est même pas la peine, quoi. La tête vissée ou son corps tout entier, mais c'est même pas la peine. Grave, moi aussi, ouais. J'ai eu un travail sur moi-même avant de pouvoir le regarder. Ah, je l'ai vu trop tôt, je crois, ce film. Mais il a l'air trop gentil, E.T., pourtant. Ah, mais il ouais, a ouais, ah, bah, sa tête, ses yeux, et puis c'est rien que son doigt, là, tendu, là. C'est... Arrête, ça me chauffe. On dirait un proctologue, ce mec. Oui, c'est vrai, le bout du doigt tout rouge. Je t'embrasse, Anne-Laure. Tu sais, quand je dis un travail sur moi-même, c'est... vous avez jamais, quand vous étiez petit, regardé un film en vous cachant les yeux et en tout doucement enlevant une main et tout, et ça faisait moins peur. Elliot, je te jure, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, il faut aller voir un psy, pas nous. Nous, on veut bien écouter. Ouais. Mais alors, soit tu payes, et dans ce cas, on continue à écouter, ouais. Soit tu vas voir un psy. Attends. C'est 80 balles de l'heure, normalement. Ah. J'ai 10 centimes. Je peux te dire un truc pendant Nicole Pervers. Allez, Nicole Pervers, c'est « Je suis en chien », c'est tout de suite parodie de Soprano sur Fun Radio. Je suis en chien, j'ai chaud, je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. Comme Zinedine Zidane, je veux la mettre dans le mille. Je suis en chien. Ce soir, j'ai des fourmis dans ma culotte, je vous le dis. Je suis en chien. J'ai préparé des nouilles pour y tremper mon kikir. Je suis en chien. Je vais faire tub chef jusqu'au bout de la nuit. Je suis en chien. Ce soir, j'ai la tour de Pise plus redressée que jamais. Je suis en chien. Comme Renaud Laville et Nîmes, ma perche, je veux la planter. Je suis en chien. Houston, soyez prêts. Boum, ma fusée décolle. Je suis en chien. Mon seul but dans la vie, c'est Ken et ce depuis l'école. Je suis en chien. Je sens que je suis en train de briller. Normal, c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien. J'arrive pas à chanter dans les aigus, ok. Un point pour Soprano, zéro pour Nico. Je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis en chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis en chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis en chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis en chien. Ce soir, je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis en chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis en chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis en chien. En clair, je recherche un huc, un boule pour les manger, lui mettre des claques. Je suis en chien. Je sais que je suis en train de briller parce que j'ai la peau grasse. 30 ans que j'aimerais tremper mon spéculoos dans une tasse. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Ça sent la ken, ça sent la ken. Appelle tes copines, je suis chaud. Je suis prêt à ken, je le sens. Je suis prêt à ken, appelle tes copines. Je suis chaud. Le jour de la ken, c'est maintenant. Faut que ce soit maintenant. Appelle tes copines, je suis chaud. Même leurs grands-parents, je suis chaud. Je veux plus ken des pots de fleurs, d'échappement ou de beurre. Appelle tes copines, je suis chaud. Je sens que je suis en train de briller, normal, si je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur, même si... Putain ! Je suis en chien. C'est Fun Radio, mercredi, nous sommes le 12 octobre. Avant 8h30, je vais vous parler d'un truc. J'ai découvert quelque chose hier, Christine a été ravie. Et pourquoi ? Parce que Vachier a caldé quelque chose qui appartient à Christina pendant un an et demi. D'accord ? Cool. Et il lui a rendu hier. Ah bon? Bah en fait, oui. Je vous dis, ah non, on dit pas ce que c'est. Ah bon. Mais dans l'entrée, il y avait ce truc, voilà. J'ai juste, il y a ce truc qui traînait, je me demandais à qui c'était. Voilà. Et c'était à moi. Un an et demi. Un an et demi après, ouais. Son enfant, quoi. C'est fou, ouais, c'est hein. Ça. Et donc, je vais vous dire ce que c'est avant 8h30, mais en fait, j'aimerais que vous me disiez si vous, ça vous est déjà arrivé de rendre quelque chose, mais 1000 ans après. C'est-à-dire que quelque chose que vous aviez emprunté à quelqu'un, d'accord? Et que tu lèves le doigt pour parler de quoi? Mon iPhone Non, non, commence pas avec ça. On a eu la discussion hier dans le bureau. Mon iPhone que je t'ai prêté, que j'étais prêt à te vendre, et maintenant tu me dis non, mais tu me l'as donné, c'est un don. T'es mauvaise langue, je te l'ai rendu. Non, je te l'ai rendu. Bon, bref, est-ce qu'il y a un truc que vous avez emprunté à quelqu'un et que vous avez rendu au bout de 1000 ans? Moi, je sais que j'étais très doué par rapport à ça, c'était avec les bouquins à la bibliothèque. Ah bah, ouais. Bien sûr. Mais tu ne prenais pas des pénalités du coup? Ok, des pénalités, quoi. Ouais, j'ai pas le droit de rentrer sur le terrain de jeu pendant plus de 20 minutes. J'adore Elliot qui dit, ouais, moi, des bouquins, j'en ai 1000. Toi, Elliot, tu lis des bouquins. Non. Eh ben, tu sais quoi, t'as enfin fait une bonne vanne. Ouais. Moi, je croyais en toi, bah, tu vas pas déçu. Mais c'était à l'école, ils m'obligeaient à lire. Donc, du coup, au lieu de les acheter, vu que je m'en foutais, j'allais à la bibliothèque. Ah, et d'accord. À chaque fois, j'oubliais de les rendre, vu que j'étais flemmard. C'est lequel ton préféré de tous ceux que t'as lu? Il m'a dit que oui, oui, et la gomme magique était quand même vraiment un must. Bruno, paye vos factures. Oui, il est adorable. Excusez-moi. Vous pouvez me rendre le respect que vous avez gardé quand je suis arrivé dans ce studio, s'il vous plaît. Tous les jours, 7h15, 8h15, en direct sur Fun Radio, je paie vos factures. Et pour vous faire payer votre facture, il suffit de nous la faire parvenir. Vous le faites par mail, facture@funradio.fr ou bien par courrier, c'est à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 à Paris. Si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part du côté de Saint-Sylvestre. On part en Ardèche, chez Amélie. Allô ? Allô Amélie ? Bonjour. Bonjour Amélie. C'est Bruno dans la radio ? Je crois, il me semble. Bravo ! Bravo ! Ouais. Amélie, tu as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie, ma belle ? Je suis assistante de gestion. Il est bizarre ton téléphone, ouais. On a l'impression que tu me parles d'un talkie-walkie. J'ai l'impression d'être avec ma petite cousine quand j'étais dans ma chambre, elle était dans ma chambre de ma sœur. Et je me disais, ouais, ok, tu me copies ou pas? C'est le bruit qu'on entend normalement sur les vigiles de supermarché. Oui, tu vas aller, rayon chargé, là, il y a un monsieur suspicieux, là, je crois qu'il est en train de voler des choses. Ouais, ok. Je te copie. Il est nul ton bruitage de talkie. Bah, j'ai que ça. Va. Vas-y. Ah, sinon je... ah, très bien, c'est mieux ça. Bon, Amélie, tu m'as envoyé une facture. C'est une facture de quoi? Alors, c'est une facture. Non, excuse-nous, mais t'as un son de téléphone qui est vraiment très bizarre. Ouais, non, mais c'est... je suis un peu à la campagne, alors... Ah, c'est mieux, là. Est-ce que, Amélie, juste pour faire un test, est-ce que tu peux nous faire un chronomètre, genre 10, 9, 8, juste pour faire un test? 9... 7. On l'entend même plus. Et en direct de la Guyane de Kourou, alors que la fusée Ariane va prendre son décollage à bord de la fusée, nous avons Amélie de la fusée Ariane. Amélie ? Très bien. Amélie, visiblement, c'est l'approche de la Lune. Hein. C'est ce que vous nous disiez il y a de cela quelques secondes. Alors, vous voyez quoi ? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement autour de vous ? L'apesanteur, ça fait quoi ? C'est incroyable. Alors, vous êtes la première femme, je crois, mère de famille à aller dans l'espace. Ils vont vous manquer, vos enfants ? De famille. Ah, vous n'avez pas d'enfants ? Ah, très bien. Alors, on monte, on rejoint, on arrive dans la station orbitale. Ouais, parce qu'on s'est trompé, c'est pas vous qui deviez partir. Bon, Amélie, ça passe pas bien, c'est pas très grave. On va te payer tes places pour le Supercross de Montpellier, puisque c'est de ça dont il s'agit, d'accord ? Génial, merci beaucoup. On te fait des bisous, ma belle. Ça peut arriver, voilà, le téléphone passe pas bien, il passe pas bien. L'important, voilà. C'est de décrocher. Là, là, il passe vraiment pas bien. Quand même. Je crois que même Jésus, à l'époque, il avait un meilleur portable. Calvin Harris, My Way, ça arrive. Vous écoutez Fun Radio, ça fait du bien, les amis. Soyez les bienvenus. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. Bring yourself in last night. WNW, Feder, Calvin Harris, Félix J, la radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Bah, pourquoi tu cries? Et voilà, il rentre plus dans son jean. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un Bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Et bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le Bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Salut, c'est Antoine de Caunes. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain, des films pendant une cérémonie ennuyeuse, des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté !

la famille, c'est Fun Radio et le dernier Calvin Harris. Première diffusion en France, c'était ici sur Fun My Way. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Bonjour Mélanie à Paris. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Elle a appelé le 3228 Mélanie pour réagir à ce sujet dont on parlait tout à l'heure. Christina a récupéré hier quelque chose que Vacher détenait depuis un an et demi. C'était quoi Vacher? Alors en fait, quand je suis rentré de mon mariage, j'avais un petit peu, voilà, en avril, j'avais un peu froid à la gorge. Et Christina, c'était la seule que j'ai vue avec un foulard léopard. Oh non. Et j'étais dans mon beau costume de mariage, je lui dis, voilà, est-ce que je peux te l'emprunter juste pour ma gorge? Elle m'a dit oui. Et puis voilà, donc j'avais ce foulard léopard qui m'a suivi partout. Mais sauf que vu que moi j'étais dans l'émotion, dans le mariage et tout, je l'ai gardé, mais je me suis jamais rappelé que c'était à Christina. Et donc je l'avais laissé dans l'entrée de chez moi. Et puis avec ma femme, à chaque fois, on n'y touchait pas parce qu'elle pensait que c'était à moi, ma femme, comme si je mettais des trucs léopards. Et moi, je pensais que c'était à elle et que genre, elle s'en servait jamais. Et quand même, au bout d'un an et demi, j'ai posé la question, c'est à qui? Elle m'a dit, mais je crois que c'est à toi. Je dis, ben non. Et là, elle dit, ah, oh, c'était pas à Christina. Et donc, je l'ai ramené. Il y a deux jours, je l'ai ramené à Christina. Elle était contente, je peux dire. J'étais hyper contente. J'en avais fait le deuil, moi, depuis le temps de ce foulard. Alors, Mélanie, t'as réagi parce que toi, t'as fait le même truc, en fait. Parce que je vous ai demandé, voilà, dites-nous si vous avez déjà ramené, rendu un truc que vous avez emprunté pendant très longtemps. Ouais, bah moi j'avais emprunté en fait la jupe préférée de ma sœur, et puis là, il n'y a pas longtemps, je l'ai retrouvée en faisant le tri dans mes vêtements, et du coup, je lui ai rendu sa jupe. Au bout de combien de temps? Au bout d'un an, en plus, c'était sa jupe préférée, donc je te raconte pas comment elle était, elle aussi, super contente de la retrouver. Mais tu sais quoi, dans ces cas-là, Mélanie, je ne sais pas comment réagit ta sœur, mais c'est un peu comme si tu le rachetais une deuxième fois. Ouais, c'est vrai. T'es un peu contente. Les yeux qui pétillaient. Ben voilà, c'est ça. T'es aussi contente que si tu l'avais pour la première fois. Je te fais des bisous, Mélanie. Bisous aussi. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous appeler. Oui, Vacher. Sauf si en un an, t'as pris 10 kilos, ben là, tu l'as bien. C'est ça. Nathan au Sable d'Olonne. Bonjour, Nathan. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Alors, est-ce qu'il y a un truc que t'as emprunté et que t'as gardé très longtemps, trop longtemps? Ouais, beaucoup trop longtemps, parce que c'est 4 ans et c'était en fait des tabourets et chaises pliantes. Et tu les avais empruntés à qui? À une amie qui, en fait, j'avais une soirée, donc j'avais besoin de plus de chaises. Ouais. Et du coup, elle me les avait prêtées. J'ai fait 3 déménagements entre temps, mais à chaque fois, j'oubliais de les ramener. Et puis, du coup, je les ai ramenées quand même au bout de 4 ans. Dis donc. C'est pas mal, ça. Je pense qu'elle en avait racheté d'autres quand même entre temps, non? Non, mais apparemment, je devais pas en avoir eu besoin parce qu'elle ne les avait pas demandé non plus. Oh, bah, dans ces cas-là. Nathan, t'aurais dû les garder. Donc, si les gens réclament pas, c'est que foncièrement c'est un peu à toi, quoi. Normalement, si c'est pas réclamé, c'est à nous. Je suis d'accord. Ouais, je te fais les bisous, Nathan. Vous êtes dans l'équipe. Il y a des gens qui ont emprunté des trucs qui n'ont pas été rendus. Non, personne. Personne n'a prêté des DVD ou un truc. DVD. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai la première fois que j'ai eu un lecteur DVD, j'avais 15 ans. Et donc, on s'est échangé des DVD. Le mec, il m'a prêté Pulp Fiction. Je lui ai prêté, moi, je crois que c'était Armageddon, un truc comme ça. Après, il m'a rendu Armageddon. Et Pulp Fiction, il est encore chez moi aujourd'hui, je vous le jure. Je peux vous le prêter. C'est sûr. Donc, ça fait 16 ans qu'il est chez moi. C'est pas mal. D'accord. Bon, ben, moi, si tu veux Vacher, je peux te rendre un vieux saucisson que tu m'avais prêté une fois quand j'avais faim. Ouais. Je l'ai pas fini. Et merci, Elliot. Il peut me prêter des bonnes vannes Ça, c'est pas possible. 8h27. Alert people, la planète people tourne très vite, mais Christina l'arrête tel un globe terrestre du bout de son doigt. Et alors là, il y a une info qui vient de tomber cette nuit, les amis. Oh, c'est triste, c'est déjà terminé entre Rihanna et Drake. Oh non. Eh bah oui. 800 fois que ça s'est terminé. En fait, c'était déjà séparé. Là, ça faisait quelques semaines qu'ils s'étaient remis ensemble. Mais finalement, ils allaient voir ailleurs en étant ensemble. Donc, ils se sont dit, arrêtons là. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera quand on aura un petit peu plus d'âge d'ici quelques années. Voilà. Ils se sont vraiment dit comme ça parce qu'elle est bizarre cette phrase. Quand on aura un peu plus d'âge. Ouais, quand on aura plus de vie, quoi. Non, moi, je préfère dire quand on aura un peu plus d'âge dans les guibolles. Ah, d'accord. On aura de la bouteille, quoi. The Parakeet. Ça arrive là sur Fun Radio et on joue au jeu des 30 secondes. Inscrivez-vous 3228. Le pack PlayStation VR à vous offrir. Ce soir, 20h, 22h,

Annulée l'an dernier à cause des attentats de Paris, la fête des Lumières à Lyon aura bien lieu cette année. L'événement sera raccourci à d'un jour et se vivra du 8 au 10 décembre. Il se déroulera uniquement sur la presqu'île et non plus sur les 9 arrondissements. Un adversaire de moins pour la France, Rome a décidé de retirer sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. La nouvelle maire de la ville refusait de soutenir le projet. Ce retrait laisse le champ libre à Paris, Los Angeles et Budapest. Et puis, nouveauté de Sony, le PSVR sort demain en magasin. C'est le casque de réalité virtuelle qui propose des sensations uniques aux joueurs de la PlayStation 4. Aujourd'hui, eh bien, vous pouvez gagner le PSVR sur Fun Radio et vous le faire livrer chez vous par Christina et Elliot. Écoutez bien Bruno dans la radio jusqu'à 9h. Bonne matinée. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Bonjour la famille, mercredi 12 octobre. Le son de Fun Radio, c'est The Parakeet. C'est Sound of Legend. Et Alex Ayono, là, juste avant 9h du matin. Dans moins de 10 minutes, on va partir autour du monde. J'aime bien faire ça, vous savez, quand on vous fait voyager avec les auditeurs de Fun Radio qui nous écoutent un peu partout, là, aux quatre coins de la planète. En plus, un Around the World un peu spécial ce matin, parce qu'on va avoir une auditrice qui nous appelle d'un endroit où elle est en vacances grâce à Fun Radio. Ah ouais ? Fort ! Classe ! Mais pour l'instant, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow ! Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Valentin habite à Lille. Il a 25 ans. Il est alternant dans l'informatique. Applaudissements pour Valentin. Salut. Comment ça va, Valentin ? Pleine forme ? Très bien. Moi, bon. Toujours. Valentin, tu joues ce matin face à Charlotte. Charlotte est étudiante en droit, elle est du côté de Saint-Germain, sous je ne sais pas quoi, car c'est mal écrit. Soudou, d'accord, très bien. Applaudissements pour Charlotte. Comment ça va, Charlotte? Bah écoute, ça va très bien. Bon, Charlotte, Valentin. Gros jeu là, ce matin. Vous appelez pour jouer, vous vous retrouvez à l'antenne et vous allez peut-être repartir avec le pack PlayStation VR dans 3 minutes, d'accord? Oui. Principe du jeu des 30 secondes, quel est-il? Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui en 30 secondes va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura le plus de mots repartira avec ce kit d'une valeur de 1210 €. Et wow, alors, je vous le dis, on a reçu tous les kits. Donc, ouais, ils partent tous cette semaine. Ah, ouais. Donc, alors, il y en a un, celui qu'on a sur les réseaux sociaux, vous l'aurez cet après-midi. Là, celui-ci, on le met au courrier aujourd'hui, vous l'aurez normalement d'ici demain ou après-demain, maxi. D'accord ? Ok. Bon, la question est la suivante, puisqu'hier, il y a eu égalité, alors que j'étais à deux doigts de battre le record. Putain, je passerai jamais ces quatre victoires. C'est le record, hein, pour l'instant, quatre victoires d'affilée. Avec qui vous voulez jouer ? On redémarre à zéro, vous pouvez choisir qui vous voulez dans l'équipe. On commence par les filles. Charlotte. Christina. Ouais. Ok, team de filles. Valentin. Eh ben moi, je vais sortir Mika de sa grotte, je prends Mika du JPI. Ah, Valentin, très bien. Mika du JPI, très bien. Alors, je vais faire l'arbitre. C'est-à-dire que c'est moi qui accepte ou non les mots. Alors pourquoi il n'est pas là, Karina? Et où, Karina? Elle fait caca. Ah, très bien. Normalement, on a dit qu'on disait pas, tu sais, on trouve des excuses. Pardon. Ouais. Non, mais c'est bien de dire la vérité aussi. Ouais, tu crois. Elliot, tu choisis qui commence? Alors, ben, ça va être Mika. Mika, tu joues avec Valentin. Allez. Valentin, Mika ne connaît pas la liste des mots. Il va la découvrir au moment où on lance le chrono. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Top. Allez. Chrono, c'est parti. C'est un doigt de la main, c'est le plus gros. L'index? Non, le plus pouce. Gros. Ouais. Le pouce. Ça, c'est un pot pour le fermer, tu mets un. Couvercle. Ouais. Ça, ça brûle, c'est très chaud, aïe aïe aïe. C'est du feu. Ouais. Du feu. Ça, c'est comme une robe en plus court. Une jupe. Ouais, ça c'est un chiffre. Il y a un 1 avec 3 zéros. 100. Non, 3 zéros. 1000. Ouais, ouais. Ça c'est pas un mug, c'est pour boire du café dans une. Ouais, ça c'est quand tu fais pip pip en voiture. Personne. Oui, il passe. C'est chaud, c'est et chaud là. Les amis, 4, 5, 6. Ah, j'ai cru que t'avais 8. Non, 7 bonnes réponses. Voilà, c'est bien. Oh, 7, c'est enflammé là. Bien joué, Valentin. Valentin, 7 bonnes réponses, c'est bien. Même très très bien. Ouais, c'est même dur pour Christina. Mais non, non, Charlotte, on va y arriver. Il faut qu'on y croit, d'accord ? Charlotte, allez. Charlotte, te mets pas la pression. Vraiment. D'accord ? Okay. Il faut que tu ailles du tac au tac. Pareil, bah Christina ne connaît pas la liste de mots. Elle la découvre au moment où on lance le chrono. Et le chrono, on le lance maintenant. Ok, okay, sur une enveloppe pour l'envoyer, tu mets un timbre. Ouais, quand t'as pas chaud, tu as froid. Ouais, c'est pas rond, c'est un peu pareil, c'est ovale. Oui, devant toi, le gazon, comment on appelle ça aussi? C'est vert. Pelouse. Non, l'autre, oui. Quand c'est pas solide, c'est liquide. Ouais. Quand t'es pas content, les sourcils, tu fais un mouvement avec. Tu les. Oui, le verbe. Tronfer. Ouais. Quand par exemple les timbres, justement, tu peux faire une collection. Oui. Oui. Oh putain, le match de l'année. Wow. Non. Combien? Ben 7, c'est une égalité. Oui. Égalité, ouais. Les amis. Bravo. Mais alors non, là, je sais pas. Bien, bravo. C'est la première fois qu'on a une égalité à 7. Bravo, bravo Charlotte. Moi, je crois, j'avais fait avec Karina la semaine dernière. Wow. Mais t'étais non, pas mais là, c'était plus beau là. Là, t'étais là, mec, t'étais à la maternité. Ouais, ouais. Je sais, mais ça se voit là. Valentin, Charlotte, vous êtes à égalité. Pour vous départager, il va falloir deviner un mot. Et ce mot, c'est Elliot qui va tenter de vous le faire deviner. Plaisir. D'accord. Ouais. Dès que vous avez la réponse, bah, vous criez la réponse. Ok. Ok. Ok. On y va. Alors, si tu n'es pas second et que tu gagnes, tu es donc. Premier. J'ai dit avant. Je crois qu'elle l'a dit avant. Ouais. T'es sûr ? Non. Si, il me semble qu'elle l'a dit avant de quelques microsecondes. Je crois. Non, non, non, non, non. Je crois, on me fait signe que c'est. En fait, c'est je crois Charlotte. Que Valentin, il a dit tu as. Et, ouais. Et elle a dit premier en premier. Ouais, non, c'est Charlotte. Vérification en fait, c'est Charlotte. Charlotte, tu gagnes le pack PlayStation VR. Bravo! Bravo à toi. Merci Bruno, merci la famille. Bon, je rappelle ce qu'il y a dedans quand même, c'est important. Oui. Il y a la PlayStation 4. Oui. Je rajoute le casque VR PlayStation. Oui. Je rajoute la caméra. Waouh. Je rajoute la paire de Move, c'est les petites manettes qui vont avec le casque virtuel. Ouais. Je rajoute 11 jeux pour une valeur de 370 €. Le total, c'est 1 210 €. Le pack PlayStation VR part chez toi à Saint-Germain-sous-Doubs. Merci. D'accord, ma belle. On te fait des bisous. Merci, moi aussi, je vous embrasse fort. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Valentin, tu pourras rejouer avec nous, mon pote, on t'embrasse. De Parakeet tout de suite, c'est sur Fun Radio. Save me. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Sur Fun Radio dans quelques secondes, Around the World. C'est ce moment où on prend un auditeur ou une auditrice de Fun Radio qui nous écoute depuis l'étranger. On va voyager un peu, ça va nous faire du bien. Il y aura Blue.

6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 8h48, c'est Fun Radio. Bon réveil, la famille. Sound of Legend Blue, ça va arriver dans quelques secondes et avant 9h du matin. Allez, dans 5 minutes, on va choisir quelqu'un qui a tweeté avec le hashtag Bruno, offre-moi la PlayStation VR. On commence à contacter là, des gens en inbox. Et donc, on va aller chez quelqu'un, amener la PlayStation avec le kit complet. Le choix se fait en fonction de quoi, les amis? Dites-moi. Le choix, bah déjà, c'est un tirage au sort pour les présélectionnés. Et ensuite, on fait un autre tirage au sort. Faut que ça bosse pas aussi, t'imagines? Ils vont devoir sécher le boulot ou à faut juste que les gens puissent se rendre disponibles à un moment donné dans la journée. Ouais, ou envoyer quelqu'un, quoi, d'accord. Bon, on fait quoi? On dit avant 9h du matin, dans 5 minutes? Ouais, comme ça nous laisse le temps de prendre les billets et de partir après l'émission. Oui, monsieur. Donc, le délire, c'est qu'on vous offre le kit PlayStation VR et Christina et Elliot viennent l'amener directement chez vous. On part tout de suite après l'émission. Avec, j'ai rajouté quand même un agent de sécurité parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais les envoyer avec un truc n'importe où en France. J'avoue. Dans le train ou quoi, ok, ça serait con que vous vous fassiez agresser avec le colis PlayStation. Ouais, j'avoue. Bon, pour l'instant, on voyage. On voyage avec Amandine qui est au téléphone avec nous. Bonjour Amandine. Salut la famille. Salut. C'est le moment du Around the World, ce moment où des auditeurs nous écoutent ailleurs qu'en France. Via le net, il est 8h50 à la seconde près ici en France. Quelle heure est-il chez toi? Il est 5h50. Il est 5h50? 7h50, excusez-moi. Ah, c'est une heure de moins, c'est doux. Ah ouais, en fait, t'es à Montpellier quoi. Mais t'es où? Je suis aux Canaries. Canaries, ah bah, île Canaries, Ibiza et tout Espagne. Ça, ouais, c'est ça, ouais, Espagne. Mais et, alors, oui, bah, si c'est dans le coin, oui, je comprends que tu peux avoir 3 heures de décalage. Que c'est pas Ibiza, les Canaries? Mais non, pas du tout. Non, ah c'est bon les Baléares. Ah non, c'est les Baléares, ouais, Ibiza, autant pour moi. Il y a Mallorca, les Baléares, ils ont trop de trucs en Espagne. Ouais, je comprends rien. Tu sais, au départ, elles étaient toutes au même endroit, puis après, il y a eu une grosse vague qui les amenait un peu loin, tout. Hein, c'est pour ça. Ils sont envolés, les Canaries. Bah, bien sûr, les Canaries sont envolés, très bien, Fonf. C'est où exactement, du coup, les Canaries? On est bien dans la mer Méditerranée, rassurez-moi. Ouais, non. On est dans l'océan. Eh ben c'est bien ce que je disais. Où ça? Près des côtes marocaines. Voilà. Ah oui, rien à voir. Alors, on est très calé en géographie. Et Majorque, alors ça, c'est Méditerranée. Ah non, mais alors non. Oui, je vois, oui, c'est dans l'océan Atlantique, sur la gauche, en haut de l'Afrique. Là, voilà. Ouais. Non, c'est bon, je le vois. Tu vois, et là, il y a des parents. À la place des Baléares, je sais pas pourquoi. Il y a des parents qui sont en voiture avec leurs enfants et qui disent, tu vois, si tu veux pas finir comme eux, faut travailler à l'école. Oh, des fois, on est tellement nuls. Mais des fois, on est tellement nuls. Ouais. Bon, et alors, ce voyage aux Canaries, tu l'as gagné grâce à nous? Alors oui, je l'ai gagné grâce à vous au jeu de 30 secondes. Ah bah comme quoi, tu vois, ça marche. Les cadeaux, t'es arrivé quand? Alors moi, je suis arrivée vendredi dernier, puis là, je repars vendredi. Bon, t'as kiffé tes vacances ou pas? Ah oui, bon, puis c'est super chaud, on a 30 degrés et tout, donc... La chance. Ouais, ça, c'est ce que j'appelle du pot, ouais. Rentre pas, hein, chérie. Hein. Ah oui, j'aimerais bien, mais malheureusement, c'est une bonne chose à une fin. Bon, et tu nous envoies une petite photo? Oui, je vais vous l'envoyer, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis merci de nous avoir rappelé où étaient les îles Canaries. Merci, ouais. En fait, c'est normal, merci à vous. Ça nous sert juste à ça, les Round the World, c'est que les gens nous appellent pour qu'on sache où sont les pays. On te fait des bisous, Amandine. Oh là, du coup, après, on va sur Google Maps, et là, je vois les Canaries, effectivement. Non, mais même moi, j'ai honte, ouais, moi, j'ai honte. Majorque, ça y est, j'ai trouvé, c'est en dessous de Barcelone, là, ok. Et Barcelone, c'est à côté de Kuala Lumpur. Exactement. Ouais, et du Japon. Voilà, c'est ça, bah, juste au-dessous, voilà. Dans la banlieue de Birmingham. Tu sors de Birmingham, tu tournes à gauche. Voilà. C'est un bon message aux générations futures. Voilà, travaillez à l'école, sinon vous finirez animateur de radio. Allez, Sound of Legend Blue, et on retrouvera bien la route pour aller chez vous et vous livrer le pack PlayStation VR. sortie nationale du casque VR, de la PlayStation VR, la réalité virtuelle qui arrive chez vous, les amis. Sortie nationale demain, à partir de demain, vous pourrez aller acheter ça en magasin. Mais comme c'est avec Fun Radio, et que c'est un événement Fun Radio, nous allons tout de suite donner la possibilité à un auditeur ou une auditrice de Fun Radio d'être le premier en France à pouvoir jouer à la PlayStation VR. Vous avez tweeté avec le hashtag comme des fous depuis ce matin en top tweet France depuis depuis 6 heures en fait. Bruno, offre-moi la PlayStation VR. On a contacté beaucoup de gens en inbox sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook pour avoir leur numéro de téléphone. J'appelle quelqu'un maintenant. Allô ? Baptiste. Oui. Baptiste, tu as 20 ans, tu habites à Angers. Oui, c'est ça. Je m'appelle Bruno, tu es en direct sur Fun Radio, tu gagnes le pack PlayStation VR. Bravo mon chou. Baptiste, tu fais quoi dans la vie du côté d'Angers? Ouais, j'ai fini mon BTS en informatique là, et puis bah du coup je fais des petites missions d'intérim pour un. Bon, Baptiste, tu nous donnes 5 minutes, d'accord? Je te reprends dans 5 minutes, faut qu'on trouve des billets de train ou d'avion pour aller chez toi, parce qu'on vient chez toi là aujourd'hui t'installer tout le pack PlayStation, d'accord? Ok, ça marche. Il y a le TGV à Angers. Il y a une ligne TGV qui va direct à Angers. Alors, Je me suis renseigné, il y a même l'électricité pour pouvoir brancher la PlayStation. On va regarder les horaires. Bon, Baptiste, on regarde les horaires, d'accord, et on te reprend juste après les infos de 9h pour dire à quelle heure Christina et Elliot arrivent chez toi avec le kit, d'accord? Et tu vois ce que tu as dans ta cave, mon vieux, hein, quand est-ce qu'on arrive pour l'apéro. Bon, on te reprend tout à l'heure, d'accord, Baptiste? Ouais, ça marche. À tout à l'heure, mon pote. C'est l'heure du JPI. Journal pour en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Meryl du web n'a toujours pas payé ses retards. D'ailleurs, elle doit combien dans la caisse, la cagnotte des retards, honnêtement? J'ose même pas calculer. Non, dis-moi, en gros. Il y avait déjà 150 euros. Ouais. Plus toute une émission. Ah putain ouais, et on est passé à combien on la demi-heure? On est à 25 euros la demi-heure. Ah ouais, donc ça fait 150 euros plus... Ouais, t'es à au moins 200-300 balles de retard. Et pour commencer service, La Poste se prépare à lancer un service intitulé « Veillez sur mes parents » où des facteurs rendront visite à des personnes âgées. L'avantage des postiers à rendre visite aux personnes âgées, c'est qu'ils pourront faire la sieste ensemble. Porno. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ancienne star du X des années 70, Brigitte Lahaie. Pour mieux vous rendre compte, à l'époque, les sexes féminins étaient camouflés sous les cheveux de Kev Adams. C'est aujourd'hui que sort au cinéma le film « L'Odyssée », le film sur la vie du commandant Cousteau. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Ah super Anthony, si vous deviez donner une note au film, ce serait quoi ? Très bien, merci beaucoup Anthony. Pour une fois, vous avez fait une intervention très intéressante. À demain pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les DJ Dance Floor et les Toyota, découvrez Calvin Yaris. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors, à demain. Vanne de salon de l'automobile, quoi. Absolument. Je suis sur le site de la SNCF. Ouais. Il y a un train qui va pour Angers à 9h49. Si on se dépêche, on peut le choper. Et vous arrivez à quelle heure à Angers? On arrive à 11h28. Hop. On compte les 2 heures de retard, quand même. Baptiste, 11h48, ouais. Tu peux accueillir... 11h28. C'est bon nickel. 28, ok. 11h28, vous êtes à la gare d'Angers 11h28? Ouais, Angers. Tu viens réceptionner Elliot et Christina? Ok. Bon, Christina, okay. Christina, je crois qu'il lui faut une petite Twingo, Elliot en transpalette. Bon, c'est pour la blague, frère. On arrive chez toi, mon pote. On prend toute ton adresse, tout ça, etc. en antenne, d'accord? Ok, ça marche. Bon, ben, on va revenir dans 2 minutes. On fait vite fait le top 3 d'Elliot et puis après, on le fout dans le train. Allez, à tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Les trumpets blow. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie ? 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Kiabi colore la vie. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive que votre dressing doit se prendre un vent. La mode hiver est déjà chez Kiabi. Avec des couleurs chaudes et des matières tendances comme ce pantalon enduit avec détail zip, 5 coloris à seulement 12 euros. 12 euros pour être stylé le jour ou glam la nuit. Oh, j'en frissonne d'envie. Du 12 au 25 octobre, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Tecnao égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Aujourd'hui, les ventes privées live, c'est sur les gambas. Oh, j'adore ça, les gambas grillées. Eh ben, vous allez aussi adorer leur prix. Jusqu'à samedi, la boîte 300 grammes de gambas sauvages entières, crues, surgelées, est à 2,99€. Alors, vous allez me remettre vos petites gambettes, hein, et foncez sur ces belles gambas. Profitez des ventes privées live avec le prospectus. Conditions et magasins participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. 8 à 12 pièces pêchées en Atlantique Sud-Ouest, soit 9,97€ le kilo. Bougez pas, Bruno. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3. Ça arrive dans quelques zones et Christina a déjà préparé sa petite doudoune, son sac à main, et prête à partir à Angers. Au taquet. Bon bah, ça va être en direct sur Fun Radio, là, dans 3 minutes. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Max Poulaouek pour les infos, salut Maxime. Salut Bruno, bonjour à tous, on commence par la météo de ce mercredi 12 octobre. Le soleil résistera au nord, le ciel se chargera en nuages dans le sud avec le retour de la pluie dès ce soir près de la Méditerranée. Soyez d'ailleurs prudents car on attend de fortes précipitations et des orages à partir de la nuit prochaine sur le golfe du Lion. Les températures sont stationnaires, donc froides ce matin, entre 0 et 5 degrés jusqu'à 10 dans le sud. Pour votre après-midi, comptez 11 à Lille, 13 degrés à Reims, 14 à Paris, 15 à Brest ou encore Angers et Lyon, 16 à Nîmes, 20 degrés à Perpignan. C'est terminé entre Salah Abdeslam et ses avocats. Franck Berton et Sven Marie annoncent ce matin leur refus de continuer à défendre le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris. Les deux hommes ont la conviction qu'il ne s'exprimera pas et qu'il appliquera le droit au silence. Ils qualifient son refus de parler par un suicide. Après l'attaque de policiers dans l'Essonne, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé hier plusieurs mesures pour assurer la sécurité des forces de l'ordre dans les zones sensibles. Les voitures de police vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. Les uniformes vont être rendus résistants au feu. Le gouvernement veut en finir avec la logique du conducteur fantôme. L'Assemblée nationale doit voter aujourd'hui un projet de loi qui obligera les entreprises à donner le nom des salariés flashés au volant. Trop de conducteurs de véhicules de société s'en sortent trop facilement. Chaque année, 2 millions de points ne sont pas retirés pour non-dénonciation de l'infraction par les patrons. C'est terminé pour le Galaxy Note 7. Samsung a décidé hier de stopper la production de son appareil en cause des batteries qui prennent feu. Et puis l'heure des explications. La commission de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby convoque ce matin 3 joueurs du Racing 92. Rokossoko, Imhoff et Carter devront expliquer pourquoi les traces de corticoïdes ont été retrouvées dans leur urine le soir de la finale du top 14. 9h04, bonne matinée avec Bruno dans la radio sur Fun. Fun Radio. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le 12 octobre, il est 9h04. Vous écoutez Fun Radio, bonjour. Bonjour. Richard Orlinski, ça arrive dans quelques secondes. Le son de Richard Orlinski avec Eva Simons. Heartbeat. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour. Qui a préparé son sac et qui va partir à Angers. Ouais. Livrer le pack PlayStation VR. Vous ferez vivre ça sur les réseaux sociaux, Facebook Live et tout ce qui va avec, hein, les amis. Il y a Nicolas qui vient avec nous, notre webmaster. Le webmaster vient, très bien. C'est bien, c'est le mec Nicolas, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on appelle un peu Monsieur Joie de Vivre. Ouais. C'est-à-dire que dès le début, il devrait dire... On est mal assis dans ce train. Allez, 5 minutes de retard. Non, mais pour les deux places, ils ont même pas de coca. Un pour lui et pour sa bonne humeur, quoi, les deux. Oh, vous êtes méchants. Quoique, non, là, aujourd'hui, visiblement, sa bonne humeur peut loger dans le petit compartiment du dessus. Ah ouais, non, pas. Et Vachier qui est là ce matin. Et puis, Elliot. Ça va, moi, là, je suis en train de télécharger des séries pour le train, illégalement, bien évidemment. Moi, je dis, voilà, bon, ça part rangé. Après, je peux comprendre que vous soyez déçus pour ceux qui ont tweeté avec le hashtag Bruno, offre-moi la PlayStation VR. On a vraiment fait le tirage au sort, c'est au hasard, ça aurait pu être n'importe où en France. C'était pour être dans la journée. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui écoutent à l'étranger. Même Teddy, le fermier qui nous écoute dans le Kentucky, doit être dégoûté au moment. J'ai vu à un moment, il avait balancé le hashtag. Il voulait gagner avant tout le monde la PlayStation VR. Angers, what the fuck, man? C'est quoi Angers? Mais partir à Angers, mais pourquoi? Il serait venu ici dans le Kentucky, je les aurais accueillis. J'aurais fait de la nourriture, ils auraient mangé ce qu'ils veulent en venant me voir. J'aurais pu faire un bisou à Christina et lui caresser les cheveux. Voilà, j'aimerais vraiment faire ça un jour. Voilà, voilà. Ça marche. C'est gentil, ça. C'est très sympa, Teddy. Top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top. Gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. On a remboursé des billets aujourd'hui pour Venise. L'occasion, une fois de plus, pour cette équipe, surtout Christina, de faire preuve d'une culture exceptionnelle. Alors, je te conseille un café sur la place de Venise, sur la place Saint-Marc. J'ai pris un café une fois quand le mec m'a amené la note. J'ai cru qu'il me faisait une blague. Non, mais en vrai, tout coûte cher là-bas. Hein. 28 euros l'expresso, les amis. Ah bon? Ah ouais, mais comment te dire? Même à Paris, à côté, on était des tocards. Le tour de pirogue, c'est 100 euros. Ouais, les premiers indiens de Venise, ouais. Parce qu'ils sont en pirogue, bien sûr. Bah, c'est bien connu. Et d'ailleurs, quand ils passent, t'entends, ils écoutent ça. Il passe en pirogue dans Venise, vraiment. Gondoles, par contre, pardon. Je suis allé en Afrique, j'ai vu des gondoles magnifiques. Mais alors, attends, les pirogues, c'est africain ou c'est indien? Il y a pirogue en Afrique. C'est pas pygmée? Quoi? Non, ça n'a rien à voir. Pirogue, c'est un bateau. Un pygmée, c'est un être humain. Oui, non, justement, c'est pas. Ben, ça n'a rien à voir. C'est une tribu, les pygmées. Ouais, oui. Bon, je vais arrêter là, mon étalage de culture. C'est pas la tribu des pirogues. Ouais. Il faut savoir que pour Christina, les pygmées sont des objets comme les bateaux. Mais voilà. N'importe quoi. Et ton cousin Robert Ménard, il va bien en ce moment? Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Ça suffit, numéro oui. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est le jeu de 6h10, c'était tôt ce matin. On apprend en s'amusant. J'ai l'impression que c'est ça le but de ce jeu. Et on en a appris beaucoup sur les koalas aujourd'hui, réécoutez. Les empreintes digitales de l'homme et celles du koala sont quasiment identiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Putain, c'est ouf. Ça a genre des doigts, quoi. Bah, bien sûr, et souvent dans les épisodes des experts, tu l'entends. Est-ce un koala ou un homme? Bien sûr. Ça se trouve, il y a des koalas qui ont vraiment tiré sur des gens, ils se sont barrés. Après, la police relève les empreintes sur l'arme et c'est le propriétaire qui se fait engueuler. Ça se trouve, la vague de Kim Kardashian, c'est des koalas. Ah bah ouais. Ils sont partis en vélib en plus. Mais attends, mais ça se trouve, tu vois, toi qui aimes pas les chats, tu dis ouais, les chats ils veulent contrôler le monde. Mais ça se trouve, non. Ça se trouve, tout ça, c'est l'œuvre des koalas. Bien sûr. On en parle pas assez. Parce que quand tu les vois, les koalas, là, comme des cons attachés à leur branche de calypus et qui te regardent. Tu vois, en mode, ils sont mignons, ça se trouve, c'est des vraies petites putes, les koalas. Ils s'attendrissent, mais déjà, leur nez est bizarre, ils ont un nez dur, tu vois ce que je veux dire? À mon avis, ils prennent de la coke. On est d'accord, ils ont l'air drogués, les koalas. Je pense aussi. Enfoiré de koala. Mais oui, on en fait tomber des choses. Alors, non, on est les seuls à dire, mais bon. Ouais, on balance un peu. Smat, qu'est-ce qui se passe? Il y a Manuel, parce que Manuel, maintenant, il bosse. Manuel, il bossait dans l'équipe. Il vient nous apporter nos billets de train. Ouais, voilà. Maintenant, il a été upgradé, Manuel. Il bosse plus dans l'équipe. On peut savoir ce que tu fais maintenant, Manuel? Je travaille à la com de Fun et RTL2. Oh, excuse me. Je travaille à la com. Et alors, j'ai l'impression qu'on fait des économies. Hein. Nous sommes en seconde classe. Hein. Bah oui, mais enfin, en même temps, tu t'es pris pour qui, la princesse de Clèves? Bah oui. Numéro 1. Je sais même c'est pas qui la princesse de Clèves? Une nana qui était en première classe, c'est tout. On vous l'a fermé. Numéro 1. On a parlé des chansons qui nous excitaient pas quand on faisait l'amour. Vaché nous a parlé de sa chanson. Et encore une fois, tu n'étais pas calé sur le sujet. Écoutez. Moi j'ai un délire avec une chanson de Louane, c'est la chanson de la famille Bélier. Mes chers voilà. Parents, hein, je pars. En fait c'est horrible parce que ça passait pendant un temps là, il n'y a pas très longtemps sur Canal+, et elle me fait pleurer cette chanson, je la trouve magnifique. Et justement c'est arrivé, pendant qu'on commençait à faire l'amour sur le canapé, il y avait ça, et j'ai dû m'arrêter parce que j'avais envie de pleurer. C'est hyper émouvant je trouve. Et tu peux pas faire l'amour, tu vois, sur des paroles aussi belles, tu vois. C'est impossible, ça fait trop, tu vois, t'as envie de serrer Louane dans tes bras et de dire arrête. reste avec tes parents. Ils sont vieux, ils sont aveugles ou muets, je sais plus. Ils sont muets. Ah oui. Ils sont sourds. Ils sont sourds. Ah oui, pardon. Bon, bref. La famille Bélier 2, je crois qu'ils sont aveugles. C'est quoi le pitch de la famille Bélier 2? C'est la même chose que la famille Bélier 1, sauf que les parents sont aveugles. Et c'est génial. Quand leur fille chante, ils s'en foutent. Mais ouais, alors, mais c'est de la chanson. Non, en fait, la fille a fait du mime. C'est quoi, on va vendre ce pitch. La famille Bélier 2, et je vous jure que ça va cartonner. Faut faire comme taxi, après faut faire le 3, le 4, le 5, il faut upgrader à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Bon, les amis, nous allons laisser partir Christina et Elliot. Oui. Direction Angers. Oui. On vous suit sur Facebook ? Bien sûr, oui. Sur tous les réseaux sociaux. Facebook Live, c'est la page facebook.com/Bruno dans la radio. Periscope sur Twitter. Sur Snapchat le aussi. Le Snapchat de l'émission, c'est Bruno Fun Radio. Et donc, vous partez chez, comment s'appelle l'auditeur ? Baptiste. Chez Baptiste, qui a donc été tiré au sort. Lui livrer le pack PlayStation VR qui sort demain, mais grâce à Fun Radio, il l'a aujourd'hui. Et pour ceux qui ont le live vidéo, je trouve que l'image résume vraiment bien qui on est dans l'équipe. C'est-à-dire que là, il faut partir tout de suite. La Christina, elle a déjà son manteau, son sac à main. Elle est vraiment prête à courir. Et Elliot, il est avec son Mac, en train de finir de télécharger ses séries, avec sa petite chemisette, assis sur son fauteuil en mode ne faites pas chier, on partira quand on partira. Parce que lui, il y va en scoot, mais moi, j'y vais en voiture, faut que je me dépêche. C'est vrai que je vous donne la meilleure vanne quand même du monde, parce que j'aime bien vous raconter les coulisses de cette émission. Je voudrais saluer Claude Sartorio, qui est un des boss de Fun Radio, que j'adore vraiment, qui est top, et c'est lui qui gère l'argent un peu, Fun Radio. Et Elliot, dans le couloir, a dit donc à Aurel, à Manuel, Mano, qui s'occupe des billets de train, là, qui les a pris au dernier moment, puisqu'on vient faire le tirage au sort. Il lui a dit dans le couloir, est-ce que tu prends première classe? Et le patron de Fun, tu vois, c'est pas n'importe qui, lui a fait un wad. Il lui a fait un doigt d'honneur, genre, okay, bah mec, regarde la première classe, assis-toi dessus. Je m'en fous du confort, je veux juste une prise pour brancher mon ordi, il me reste que 35%, je vais même pas pouvoir mettre un épisode. Allez, foutez-moi le camp, on vous suit, vous arrivez. Allez. À 11h28 à Angers. Yes, à tout à l'heure. Et je le dis, il y a un vigile qui part avec eux, qui est armé, attention, c'est le même que Kim Kardashian, de toute façon, c'est pas compliqué, donc vous pouvez pas leur changer le délire. On s'y en courant, bisous les amis, allez, foutez-moi le camp, foutez-moi le camp. On finit l'émission quand t'es ta tête avec Vaché. Allez. Bonjour la famille, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir une petite émission rien que pour moi et tout, c'est génial. Ah ouais, ouais, c'est cool. Mika, ça va ? Tu es seul dans le studio avec Vaché et moi. Ouais. Et comme tu le vois, il n'y a pas d'issue. Non. Et comme tu le sais, on joue parfois un rôle dans l'émission. Mm-hmm. Le cheval on critique, mais au fond le cheval. C'est génial. Nous avons un jeu dans cette émission, dans les coulisses de l'émission, qui s'appelle... Oula. Le déficus. Tu vois ? Bon, allez, on va revenir demain. Tout ce qui s'est passé ce matin, vous le retrouvez bien entendu sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. C'est là aussi que vous allez pouvoir vivre les aventures de Christina et Elliot en route vers Angers avec le pack PlayStation VR. Merci d'avoir tout fait péter là sur les réseaux sociaux ce matin avec ce hashtag numéro 1 top tweet depuis 6h. On va revenir demain, 6h du matin, en direct sur Fun Radio, la famille. Le pire, c'est le regard de Vaché quand il regarde comme ça avec séduction. Tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a un second degré que Vaché n'a pas forcément. En ce moment, voilà, ma femme a accouché, on sait que je vais la laisser se remettre pendant un petit moment. Mais en attendant, il va me falloir des collègues gentils. C'est ce que je veux dire. Bon. On y va les amis, nous. Richard Orlinski pour attaquer le 9h midi. Excuse-moi, je peux m'asseoir sur tes genoux pendant que tu parles. Je t'en prie, vas-y, viens, avec grand plaisir. Allez, à demain, ciao. À demain. À demain. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive, but really there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. Really there.